Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Grand Prix, votre émission 100% Formule 1 sur Next Gen Auto. On va débriefer ensemble le Grand Prix de Miami qui a eu lieu ce week-end à Miami. Donc forcément, vous pouvez voir qu'il y a eu quelques petits changements visuels, hein, puisque le Grand Prix a pris une livrée spéciale également, il y a du rose un peu partout. Et apparemment, c'était le dress code là-bas, donc on a dit qu'on allait faire pareil. Enfin, j'ai dit d'ailleurs, parce que mes deux camarades n'ont pas eu à décider. effectivement, donc on est tous les trois pour à peu près une heure et demie, deux heures, pour débriefer le Grand Prix qui a eu lieu ce week-end. Et donc avec Franck, ça va Franck ? Salut, bah écoutez, bonne soirée à tout le monde. Merci d'être fidèle au poste pour ce Grand Prix qui était vraiment très sympathique. Le sprint aussi d'ailleurs, hein, puisqu'on a quand même eu droit à deux courses très très très très sympas à Miami. C'était un peu tendu avec les météos, hein. Ça aurait pu être aussi de longues heures d'attente. Finalement, on a échappé aux gouttes dimanche, ou même aux orages, puisque c'était quand même assez diluvien par moment avant la course et ensuite, après aussi. On s'est régalé, moi je trouve. Il y a eu des choses à dire. Bon, à part McLaren qui a dominé, mais ça, je pense qu'il y a au moins une personne dans cette équipe qui sera contente. mais je sais pas, mais on a un peu de polémique, on a un peu de choses à dire, c'est cool. Il y a des trucs à dire, à débriefer ce soir. Donc on voit que en plus vous êtes nombreux, donc c'est parfait. Effectivement, c'est vrai qu'on a été chanceux parce qu'aux États-Unis c'est très strict au niveau de l'orage et s'il y a eu des orages aux alentours du circuit, on aurait absolument pu ne pas avoir de course. Ça arrive souvent avec la NASCAR notamment que ce soit reporté au lendemain, donc ça aurait été un peu compliqué au niveau de la F1. Et donc on est trois pour débriefer ce soir avec Alex. Ça va Alex ? Salut tout le monde. Oui, on a eu un Grand Prix en deux parties. Une première partie épique avec 20 premiers tours absolument magiques et une deuxième partie comique avec beaucoup de divertissement offert par Lewis Hamilton et la radio Ferrari. Et oui, ça a été assez confus dans certaines équipes. C'est vrai que notamment chez Ferrari, qui n'a pas forcément donné une très très bonne image de sa gestion des pilotes et de la stratégie. On y reviendra un peu plus tard, puisque comme vous savez, comme chaque semaine, on fait des équipes dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées à l'arrivée du Grand Prix. Et effectivement, pour Ferrari, c'était un peu plus tard. Hein. Ce sera au milieu des missions à peu près. On va évidemment commencer par la meilleure équipe du week-end, McLaren, qui a signé un doublé dans le sprint, Norris Piastri, et un doublé en course, Piastri-Norris. 58 points marqués par l'équipe ce week-end, hein, le carton plein total, puisqu'il n'y a plus, vous savez, de points pour le meilleur tour cette année. Et c'est d'ailleurs qu'une équipe fait le doublé dans les deux. Oui. Depuis que le sprint arrive. Ouais, c'est vrai. C'est le nombre de points maximal. Et alors, ça ne battra pas le record de Williams à Abu Dhabi 2014, qui a marqué 66 points, puisque les points étaient doublés et qu'ils avaient fait double podium. Mais c'est effectivement le maximum qu'on puisse marquer pour une équipe sous le format de sprint. Donc, ça a été un peu compliqué pour Lando Norris en course avec Max Verstappen, qu'il a mis un peu le temps à le dépasser parce que Max Verstappen a encore été un petit peu tendu, on va dire, au départ et puis après. Oscar Piastri s'était moins bien qualifié que son équipier, a eu moins de chance lors du sprint, mais a quand même réussi finalement à gagner la course. En étant notamment un peu plus tranchant face à Verstappen en poussant à l'erreur le quadruple champion du monde. Toi Franck, est-ce que tu vois de nouveau cette dynamique qui continue de se creuser chez McLaren, ou est-ce que tu penses quand même que Norris peut encore revenir, puisque on l'a vu notamment lors du sprint pouvoir gagner et être un peu meilleur que Piastri en qualif samedi? Bonne question. Je la sens un peu orientée. Oui, la dynamique pour l'instant, elle est quand même encore assez fragile envers pour l'un ou pour l'autre. Je veux dire, il n'y a encore rien qui est vraiment décidé. Même si quand même, Oscar Piastri, je dois avouer qu'il mène sa barque de manière assez tranquille. On l'a senti assez serein quand même, notamment en course face à Max Verstappen. Là où effectivement, bon, peut-être qu'on en parlera un petit peu après. Je sais pas quand est-ce qu'on va aborder un petit peu la bataille des McLaren avec Verstappen, mais c'était j'ai senti quand même Oscar un peu plus serein quand même que Lando, même si Lando a quand même aussi dit que voilà, il avait réussi à mieux travailler certaines choses, qu'il sentait quand même plus à l'aise avec sa voiture. Donc c'était assez un peu plus équilibré, on va dire, ce week-end là. La grosse différence, évidemment, bah, c'est, je pense, cette bataille avec Verstappen, que Lando a perdu lors du départ, et alors que Oscar lui a réussi à le passer de manière un peu plus, on va dire, pas facile, je vais dire, mais un peu plus sereine. Bah, c'est peut-être le mot qui lui convient bien ce soir, la sérénité. Et comme j'ai l'impression que ça devient un petit peu personnel aussi entre Norris et Verstappen quand il s'agit de bataille en piste, je crois qu'Oscar il est bien parti pour en tirer le meilleur parti, c'est-à-dire que lui, commande pas, il passe et c'est tout. Après, les autres, débrouillez-vous. Mais on sait qu'effectivement, entre Norris et Verstappen, c'est en train comme un peu de devenir une affaire personnelle quand on voit les déclarations d'après-course. Donc, je dirais, bah, voilà, petit avantage en plus supplémentaire. Donc, si les McLaren doivent se battre à chaque fois avec Verstappen, que Piastri, sans moufser, sans rien dire, fait son petit chemin, c'est un petit avantage, notamment psychologique. Qui est en train de prendre quand même clairement sur Norris, je pense, autant en termes de dynamique de performance à peu près équilibrée, autant en termes de dynamique psychologique, la balle est clairement dans le camp de Piastri pour le moment. Ouais, c'est vrai. Alors, je tiens juste à répondre à cette analyse diabolomante qui dit on voit depuis l'an dernier que Piastri est bien meilleur que Norris. Je rappelle qu'en 2024, c'est 21 à 3 en qualif pour Norris et 82 points d'avance pour le Britannique sur l'Australien. Pour moi, il y a un vrai changement de dynamique cette année, mais l'an dernier, c'était clairement Norris qui avait la main chez McLaren en dépit de quelques erreurs. Pour autant, c'est vrai que, ouais, effectivement, moi, on voit quand même un Norris qui est toujours un peu à la peine. Et on voit un Norris qui n'arrive pas. Effectivement, c'est très personnel entre Verstappen et Norris. On sent qu'il y a vraiment cette envie chez l'un comme l'autre de ne pas lâcher. Mais au final, bah, c'est pas efficace. C'est pas efficace par rapport à ce que fait Piastri, quoi. C'était, alors chez Piastri, chez Norris, il y a deux choses qui m'ont marqué. Chez Piastri, c'était un week-end à la Piastri. C'est-à-dire, je pense pas qu'il était forcément intrinsèquement plus rapide que Norris, je pense que c'est le contraire, et la deuxième moitié de course l'a prouvé, puisque Norris reprend quand même plus de 5 secondes sur Piastri dans la deuxième moitié d'épreuve. Alors après, est-ce qu'ils étaient à fond ou pas? Moi, je pense que, en tout cas, selon Stella, ils étaient à fond, donc ça prouve que je pense que Norris avait le rythme pour l'emporter, mais Piastri, sans être forcément plus rapide, a la meilleure exécution au départ, et pour dépasser Verstappen, voilà, donc il a bien fait les choses. D'ailleurs, voilà, il est très plus rapide, il était quand même bien derrière en qualif. Enfin, derrière, il était quatrième et Norris deuxième en Q3. Et sur Norris, moi, alors, sur le dépassement de Verstappen, bon, quand même, Piastri a été un peu aidé par Verstappen qui a commis une erreur, mais encore, fallait-il le mettre sous pression et pas trop se précipiter, ce qu'a réussi à faire Piastri et ce qu'a pas réussi non plus à faire Norris. Moi, ce qui m'a marqué de la part de Norris, bon, alors, c'est peut-être une défaite encourageante, puisqu'il avait quand même un meilleur rythme que Piastri globalement ce week-end, notamment en Q3. Où il a eu toujours du mal à dompter une McLaren un peu trop rétive. Mais ce qui m'a marqué chez Norris, ce qui dénote pour moi toujours un problème mental, c'est ses déclarations le dimanche, juste sur la piste, hein, les interviews post-course, où il dit, voilà, si j'avais pas attaqué, les gens auraient dit, elle attaque pas, et si j'ai attaqué, les gens disent, ah, il y va de manière trop agressive. Mais en fait, Norris, il doit se dire, mais j'en ai rien à faire ce que disent les gens. C'est ça. Il doit se faire une carapace mentale et rouler simplement pour son intérêt, donc ça prouve encore, je pense, un caractère un peu trop friable de Norris, qui est trop sensible au bruit extérieur, qui n'a pas confiance en lui, qui essaie de faire un petit peu tout de suite, et voilà, on le sent toujours plus fragile mentalement, mais plus rapide intrinsèquement que Piastri, sauf qu'à l'arrivée, ça fait de grosses différences en termes de points. En Ouais. plus, Norris a l'impression que Verstappen l'a vraiment pris en grippe lui particulièrement, quoi. Ce qui fait que voilà, ça, et verbalement et sur la piste, ça fait une joute, voilà, ça fait une joute un peu compliquée effectivement à gérer, puisqu'on sait que Verstappen, pour le dépasser, faut quand même se lever de bonne heure, hein, parce que il se laisse pas passer comme ça. Et même d'ailleurs, puisqu'il n'avait rien à perdre sur cette course-là. Hors de question de favoriser, enfin d'aider plus que ça les McLaren, puisqu'ils savaient très bien qu'elles allaient s'échapper derrière facilement. Donc ouais, autant Piastri a réussi à passer de manière calculée assez sereine, autant effectivement Norris, ouais, ça a été comme plus compliqué. Avec peut-être aussi, on va peut-être en parler, un peu d'impatience, et d'ailleurs ça a même été souligné par son directeur d'équipe au départ, effectivement, en disant que voilà, Norris a vraiment essayé de prendre tout de suite le premier trou qui se créait devant lui, c'était au virage 2, je pense. Parce qu'effectivement, Verstappen était parti un petit peu au large. Ensuite, en revenant sur la piste, il est parti un petit peu en écart, en travers. Norris a voulu essayer d'en profiter, mais peut-être effectivement de manière un peu trop opportuniste. Et du coup, bah, s'est retrouvé un peu propulsé hors de la piste, parce que bon, Verstappen ne maîtrisait pas tout à fait sa F1. Et entre le moment où on dit c'était volontaire et le moment où c'était pas volontaire, c'était un peu limite. Je crois que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'enquête aussi. Mais voilà, c'est vrai que Norris aurait pu attendre un petit peu plus, sachant qu'il avait largement la vitesse pour passer. Et à Miami, on le sait, on peut dépasser. Donc voilà, peut-être un peu de précipitation. En tout cas, c'est ce qu'a noté Andrea Stella, son directeur. C'est rare quand même que Stella critique le pilotage de Norris. Il y a une question de Phil the Toon dans le chat qui dit: avez-vous un autre exemple de pilote dans le passé qui était très rapide mais fragile comme Lando? Moi, je dirais Damon Hill, qui avait exactement le même problème face à Schumacher en 95, où il était au niveau de Schumacher, mais par contre, dès qu'il y avait un duel ou quoi, c'est lui qui craquait avant Schumacher. Et Schumacher avait ce même problème que Verstappen, c'est-à-dire que de toute façon, c'était fallait que ça passe et que ce soit lui qui soit devant. Et effectivement, c'est vrai que moi, je suis d'accord avec toi, Alex, quand j'ai entendu Norris dire. Il déplore que les gens le critiquent tout le temps. En fait, c'est un peu un souci parce que pour moi, un pilote ne doit pas du tout, prendre en compte ce que disent les gens et essayer de faire plaisir aux gens. Parce que là, on dirait que c'est un peu ça. En fait, c'est vrai qu'il aimerait avoir l'approbation du public et des médias et tout ça, mais en fait, enfin, c'est pas le but en tant que pilote d'avoir cette approbation-là. En fait, donc c'est ça qui est un peu dommage et qui effectivement m'inquiète un peu sur la manière dont il est à ce point-là contaminé entre guillemets par cette volonté de bien faire et cette volonté de faire remonter une cote qui est pourtant malgré tout haute, même si les gens s'en prennent beaucoup à lui. Peut-être Bottas faisait beaucoup référence à ça aussi. Oui, c'est vrai aussi. Ouais, Bottas, c'était Bottas a eu beaucoup de problèmes de santé mentale quand il était chez Mercedes. Mais et oui, Mansell chez Ferrari aussi, c'était un peu ça, très très rapide. Mais alors, Mansell, le nombre de conneries qu'il a faites, même en gagnant, enfin. En étant en tête de course et tout, c'est vrai que c'était un peu son problème aussi. Grosse fragilité mentale et puis un petit peu de je m'en foutisme par moment. Mais c'est vrai que Norris, c'est un peu le problème cette année. C'est que le rythme est là et en fait, quand il fait des erreurs, alors c'est vrai que tout le monde lui tombe dessus. Parce que par exemple, l'erreur qu'il fait samedi, il fait une petite erreur dans le virage 17 et tout le monde lui tombe dessus alors que Piastri n'a pas fait un tour parfait et que Verstappen non plus. Donc c'est un peu dommage, mais en même temps, il ne doit pas se laisser abattre par ça parce que je pense que c'est aussi un jeu auxquels vont se prendre ses rivaux à justement eux ne pas se laisser atteindre. Maintenant, bon, il n'y a pas énormément d'écart, il y a 16 points d'écart au championnat, c'est encore largement jouable, mais c'est vrai que la dynamique de 3 victoires de suite pour Piastri, donc c'est le premier pilote McLaren à le faire depuis Mika Hakkinen qui avait remporté le dernier Grand Prix 97 et les deux premiers de 98. C'est vrai que ça lui fait 3 victoires de suite, 4 victoires au total contre une pour Norris, ça fait un peu beaucoup en termes de dynamique. Et Piastri a désormais plus de victoires que Norris, 6 contre 5. Aussi. Alors que c'était à Miami l'an dernier que Norris gagnait son premier Grand Prix. Et qu'à ce moment-là, il y avait 1-0, donc c'est aussi un beau bilan pour McLaren quand même, parce que ça veut dire qu'en un an, il y a eu pas mal de victoires. Ouais, 12, il y a 12 mois, aucun des deux n'avait une victoire. Ouais. Aujourd'hui, ils en ont 11. C'est ça, c'est quand même pas dégueu, pas moche. Manu fier de sa stat, non pas spécialement, mais je suis très content pour McLaren de la statistique qu'enfin ils arrivent à avoir un pilote qui gagne 3 courses de suite, mais après il est trop fier. Surtout qu'Hakkinen n'avait jamais gagné de course sprint. Hein. Mais bah non, ouais, mais en plus. Il était trop mauvais pour ça, c'est tout. non, mais c'est vrai que plus sérieusement, c'est sûr que c'est un peu inquiétant pour Norris, et puis bah, il faut espérer qu'il va enfin réussir à se. Je pense que. Pour inverser la tendance, il faut qu'il arrive à battre Verstappen facilement en piste à un moment ou à un autre, qu'il arrive à le pousser à l'erreur. Mais tant qu'il y aura ça, en plus qu'il se prend, qu'on considérera un peu persécuté par Verstappen, alors qu'il n'a pas à se considérer persécuté, parce que Verstappen fout tout le monde dehors, donc je vois pas pourquoi il pense que c'est contre lui spécifiquement. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, qui a gagné la course sprint à Suzuka en 90 entre Senna et Prost? Alors je dirais que c'était Senna parce que c'était le il premier à être dans le gravier. Ah non, c'était Prost en plus le premier dans le gravier parce que c'est la Garpon. Donc c'était Prost. Voilà. Ah, ça aurait tout changé s'il y avait eu des courses sprint. C'est vrai. Mais il faut pas oublier qu'à l'époque il y avait que 16 courses par an et on n'en comptait que 11. Donc et ils finissaient tous à un tour des McLaren en 88. En entendant qu'il n'y avait que 16 courses par an, Dominique Ali a fait une syncope, donc on va rester à 24. voilà pour la dynamique chez McLaren. Alors, on va continuer un petit peu à parler des pilotes McLaren un peu plus tard quand on parlera de Verstappen aussi, parce que fatalement c'est un peu lié. Mais on va d'abord faire une petite escale du côté de Mercedes, puisque Mercedes a fait un très bon week-end. Pole position d'Andrea Kimi Antonelli lors du sprint. Alors on rappelle que c'est une pole position qui ne compte pas pour les statistiques, mais qui est quand même une jolie performance. Et l'Italien se qualifie 3ème pour la course, qui est aussi une très belle performance. Mais en course, c'est George Russell qui a tiré un peu plus les marrons du feu en ayant une très bonne performance et surtout en profitant de la virtual safety car pour s'arrêter au bon moment. Il est ressorti devant Max Verstappen et a signé un podium qui a ensuite été challengé par Red Bull parce qu'il pensait que le Russell n'avait pas assez freiné sous régime de drapeau jaune, mais en l'occurrence des données ont montré que si. Et donc c'est un nouveau podium pour Mr. Consistency, hein, qui est toujours qui est toujours dans le bon groupe, on va dire. Il est à 6 points seulement de Verstappen en championnat, il remonte sur la troisième place. Ce qui pourrait aussi avoir un lien, on en reparlera, enfin un effet, on en reparlera sur la suite de la saison et sur la saison prochaine pour Red Bull. Et globalement, Mercedes a quand même pas le bon rythme en course, mais on voit que sur un tour, elle est au niveau de la, ou pas loin en tout cas, de la McLaren et de la Red Bull, Alex. Oui, alors Russell, il a commencé quand même le week-end de manière plus compliquée. Il était derrière Antonelli après la super pole d'Antonelli. Ça marchait pas trop. Il était même, voilà, même en passant en Q3, il n'était pas hyper confiant en Q2. Mais bon, il a été récompensé de son pari de partir en pneu dur et forcément, ça ouvre la voie à des stratégies audacieuses et être récompensé stratégiquement, et c'était le cas avec une des nombreuses voitures de sécurité virtuelle. Donc voilà, donc c'était pas le meilleur week-end de Russell, encore une fois. C'était peut-être le premier week-end où il semblait un peu derrière Antonelli en performance pure, mais il a eu à la fois de la latitude stratégique et voilà, un petit peu de réussite. En même temps, il avait aussi un gros rythme en réussissant à tenir Verstappen derrière lui. Donc c'est un podium qui reste quand même tout à fait mérité. Et sur le niveau de cette Mercedes, effectivement, sur un tour, elle est capable d'aller chercher la pole. Hein, et Antonelli l'a quand bien prouvé en quali sprint. Après, en course, ça reste. C'était la deuxième force. C'est resté la deuxième force. Un petit peu devant Red Bull et quand même loin derrière McLaren. Donc ça reste plutôt encourageant. C'est la saison la plus solide, hein, depuis 2022 de Mercedes pour le moment. À voir si avec le développement, hein, ils peuvent pas aller en faire mieux. On sait que les écarts sont tellement serrés qu'il y a moyen peut-être d'en faire une voiture gagnante. Hein, on ne sait pas, avec notamment à partir de Barcelone et le changement des règles des ailerons. Mais voilà, c'est une voiture stable, pas une voiture titrable encore, mais une voiture stable. Et c'est dommage que c'est la meilleure voiture de cet ère réglementaire alors qu'elle se termine. Ouais, ça c'est sûr que c'est un peu dommage. Je note Franck, ouais. juste que c'est une voiture qui a très bien marché sous la chaleur, quand même, ce qui n'était pas normalement les points forts des Mercedes. Et notamment, on s'attendait quand même à quelques inquiétudes, même chez Mercedes, avant même ce rendez-vous de Miami. Et puis finalement, on voit que sur un tour, comme en rythme de course, certes, le rythme de course était quand même un peu éloigné de McLaren, mais je pense que tout le monde était un peu éloigné de McLaren en rythme de course. Donc on va faire une exception là-dessus. C'est quand même une voiture effectivement qui a très bien fonctionné. Donc là aussi. Petit renversement de tendance par rapport à ce qu'on a connu d'habitude chez Mercedes. Donc, de là à aller mettre beaucoup de billes sur le développement, clairement pas, parce qu'on sent clairement que McLaren a pris un peu trop le large, je pense, pour être au championnat. Maintenant, c'est clair que si on peut offrir l'une ou l'autre victoire à Russell ou à Antonelli avant la fin de l'année, il y aura certainement peut-être des occasions pour le faire, mais de là à gaspiller entre guillemets le développement prévu pour 2026, je ne pense pas. Hein. Je pense que Mercedes a clairement mis tous ses œufs dans le panier 2026, ou quasiment tous ses œufs dans le panier 2026, comme beaucoup d'autres équipes, et que ça va certainement un petit peu vivre comme ça. Effectivement, tu as parlé du changement, Alex, de Barcelone, et après Barcelone, on aura vraiment une idée un peu plus, on va dire, figée de ce qu'on devrait attendre sur le restant de la saison. Donc là, on vient de tirer le premier quart. Donc on va voir au bout des. Voilà, ça va faire deux tiers un gros deux tiers de la saison. Ce sera normalement à peu près pareil, quoi, puisque là, après, ça va être vraiment full focus sur 2026 pour tout le monde en termes de développement. Puis il faut pas oublier que Mercedes a un peu plus de temps de développement que les autres. C'est vrai qu'ils pourront consacrer une petite partie de 2025, mais autant Wolf que Wolves chez Williams, ils sont vraiment à fond sur 2026 dans leur tête. Donc voilà, si ça doit gagner, ça sera parce qu'il y aura de meilleurs réglages sur un circuit, parce que voilà, ça sera peut-être un peu plus les circonstances qui aideront qu'une amélioration de performance. Maintenant, attendons de voir effectivement si ces fameuses histoires d'ailerons flexibles viendront chatouiller ou titiller ou bousculer McLaren, puisque c'est un peu le secret export de chez Red Bull notamment, que voilà que effectivement ces ailerons flexibles jouent un peu trop en faveur de McLaren et un peu moins en faveur des autres. Effectivement, c'est vrai que d'après Christian Horner, ça va tout changer. D'après Zak Brandt, ça va rien changer. Donc la vérité est sûrement un peu au milieu de ça. Mais les équipes ont déjà quand même. Enfin, c'est une directive qui a été décidée il y a longtemps. Et les équipes ont déjà commencé à prévoir le passage progressive vers cette rigidité des ailerons. Je sais qu'il y a des équipes comme Williams notamment et d'autres qui ont déjà des ailerons qui respectent la directive. Donc j'imagine que McLaren hein, s'en est déjà rapproché, sinon respecte déjà la directive et on ne va pas attendre le dernier moment pour tout changer. Et moi j'ai plutôt tendance à penser que ça ne va pas faire une grande grande différence dans la hiérarchie, mais peut-être resserrer un peu les écarts effectivement. Sobright Indicate nous demande, les écuries clientes ont-elles la même spécification moteur que Mercedes? Oui, tout à puisque fait. C'est une obligation réglementaire pour les fournisseurs de moteurs de donner des moteurs similaires aux équipes clientes que celles qui se réservent. Donc, les cartographies y comprises. Ouais, tout à fait. Ce qui n'était pas le cas, effectivement, dans les premières années de l'ère hybride. Non. Ça a ensuite été remis à plat par la FIA, parce qu'effectivement, le Mercedes avait des modes moteurs un peu plus puissants et agressifs que ses clients. Le party mode fameux. C'est ça, le fameux party mode, ouais, qui ensuite était du coup interdit, puisque tout le monde devait avoir les mêmes cartographies. Et puis même, je crois qu'il n'y a plus qu'une seule cartographie possible maintenant, une fois la qualification faite. Donc il n'y a plus de... Voilà, c'est la même carte moteur pour tout le monde et tout le temps. Voilà. C'est bien ça. Par client, en tout cas, je parle. Oui. Donc voilà, en tout cas pour Mercedes, c'est vrai que bon, ça a été quand même un bon week-end. Et de nouveau, pas mal de points inscrits. Anthony, quand même, effectivement, oui, on parle un peu plus d'Anthony, quand même, qui a fait un super week-end, effectivement, ouais. Comme l'a dit Alex. C'était un petit peu l'homme du week-end, on était un peu déçus pour lui d'ailleurs, pour le sprint, mais bon, voilà, c'est aussi le jeu. C'est vrai que tout le monde l'a encensé comme le poleman le plus jeune de l'histoire, mais on peut pas considérer la pole d'un sprint. Alors j'ai bien aimé la Formule 1 qui a dit off any format, donc c'est vraiment genre on essaie de gratter quand même une statistique sympa. Mais effectivement, il n'est pas poleman officiellement en Formule 1. C'est ça, donc c'est vraiment, bon, c'était vraiment cool pour lui et tout, mais bon, voilà, c'est. Toto Wolff l'a vite. Après, il a été bizuté pour sa première pole, entre guillemets, au départ du sprint. Hein. Oui, Toto Wolff est quand même vite revenu. C'est la petite course. On ne célèbre pas trop, on se remet tout de suite au travail. Voilà, bah, il ne croyait pas, c'est bien de dire. et la pluie est venue un peu bouleverser tout ça. Et quand même derrière, en rythme de course, bien derrière Russell. Oui. Quand même. Russell, effectivement, comme tu l'as dit, par contre, juste pour le dire, c'est qu'évidemment, il était parti en dur. C'était un des... Oui. Il l'a dit, c'est rare qu'un pilote dans le top 5. Voilà, fasse un choix vraiment différent des autres. Et lui, il a vraiment joué la longue, bah, comme Hamilton d'ailleurs. Parce que Hamilton, maintenant, dès qu'il sait qu'il y a de la pluie qui s'annonce, on part avec les pneus les plus durs, histoire de tenir le plus longtemps possible, pour chausser évidemment des pneus pluie. Pluie qui n'est jamais venue d'ailleurs, hein, puisque vous l'avez tous attendu, entendu à la radio, dans les commentaires, la pluie arrive. Dans 15 minutes, dans 15 tours, oui, non, je peut-être. Crois que le mur de Trump n'était pas à la frontière mexicaine, mais il était autour du circuit de Miami. Et du coup, les nuages ne sont pas passés. Ouais, voilà. Ils sont passés tout autour. Et d'ailleurs, on notera aussi la petite phrase de Toto Wolff quand Antonelli était très déçu de son sprint, qui lui a dit « Ne t'inquiète pas, c'est une mini-course, ça n'est pas pertinent. » Donc au moins, on voit l'amour que les équipes portent sur le fameux sprint. Enfin bon, 15 points pour McLaren, peut-être leur dire que c'est pas pertinent en fin de saison quand même. Hein. Ça, c'est sûr aussi. C'est sûr aussi. On va passer du côté de Red Bull, avec la 4e place de Max Verstappen, la 10e de Yuki Tsunoda. Verstappen qui avait signé la pole position et qui donc du coup a pris un départ controversé. Moi je suis, et c'est pas du tout pour, parce que je suis pas, c'est pas du tout parce que c'est Verstappen, mais je trouve que son départ, en fait le départ, il a pas été pénalisé parce qu'en gros, pour vous expliquer, il va trop loin au premier virage en freinant trop tard, il réaccélère très fort, il se met en perdition puisqu'il essaie de rester devant, il perd la voiture, il envoie Norris hors piste, mais les commissaires ont décidé qu'il n'était pas responsable puisque son virage 1 et son virage 2 n'étaient pas traités de la même manière. Les directives aujourd'hui font que les commissaires traitent les virages séparément, et en fait c'est pas traité comme une seule séquence, donc ils n'ont pas estimé que le virage 2 était une conséquence de quoi que ce soit, juste qu'il avait un peu perdu le contrôle et que involontairement il avait envoyé Norris hors piste. Donc en soi c'est entendable, mais moi je trouve quand même que son virage 2 est clairement une conséquence du virage 1, où encore de nouveau il va trop loin et de nouveau il essaye trop de freiner tardivement, et du coup il envoie Norris hors piste, qui perd 4 places dans l'affaire. Alors certes, certains ont dit que Norris avait trop insisté, c'est notamment ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Andrea Stella, mais effectivement Max Verstappen ensuite s'est aussi montré assez agressif sur les défenses. Il a défendu face à Oscar Piastri jusqu'à faire une erreur pour que Piastri passe, et il a ensuite tassé Norris de nouveau hors piste avant que Norris le fasse, mais le laisse passer. Donc évidemment, la question c'est déjà, au-delà, on passera aux performances après parce qu'il y a quand même pas mal à dire sur la Red Bull, mais est-ce que Verstappen va toujours trop loin, et est-ce que vous auriez pénalisé Max hier, Franck? Non, pénalisé, non, pour le coup, non. Autant sur certains grands prix, beaucoup plus polémique sur ces des actions vraiment. En tout cas, pour le départ, hein. Pour le départ, je pense pas que. Voilà, on sait très bien que c'est la méthode Verstappen, c'est effectivement de plonger le plus loin possible au freinage parce que lui, ça le protège et les autres, ça les gêne. Donc, c'est une tactique qui a toujours fonctionné. Donc, pourquoi s'en priver tant que c'est pas sanctionné? Donc, comme il a dit, hein, moi, les règles sont écrites comme ça. Pour moi, je préfère avoir des règles plus naturelles, mais vu qu'elles sont écrites comme ça, j'en profite. Il est très clair, en fait. Il est juste, il joue avec les règles qu'on lui donne. Et si les règles disent que c'est comme ça, ben, tant que les règles sont comme ça, il continuera à le faire. Donc je vois pas pourquoi on le pénaliserait, parce que dans cet amoncellement de règles de pilotage dont on a appris qu'elles n'ont pas forcément été toutes communiquées aux équipes et aux pilotes, Ça aussi, c'est hein. quand même assez fort. La FIA se garde le droit d'avoir le détail exact de ce qu'on peut pénaliser ou pas pénaliser, malgré les discussions qu'il y a eu après les incidents entre Norris et Verstappen, notamment l'an dernier au Mexique et à Austin. Bah pour l'instant, tout ça, effectivement, ça reste légal. Donc là, pour ce coup-là, non, je pense pas qu'il y ait forcément besoin de pénaliser. Après, oui, on a quand même senti un Verstappen assez, comment dire, désespéré, on va dire, voilà, de vouloir absolument rester devant les McLaren. Mais bon, je pense qu'il savait très très bien qu'il pouvait strictement rien faire face à elle. Sur un tour, la Red Bull, elle sait gérer ses pneus, parce que sur un tour, voilà, la surchauffe des pneus est contenue. Sur plusieurs tours de suite, effectivement, là, les pneus surchauffent énormément, et il sait très bien que résister aux McLaren, c'est très très impossible. Donc c'est un petit peu son petite heure de gloire, son manière de dire. Vous savez qui je suis, je ne vous laisse pas passer comme ça, même si je sais que j'ai aucune chance. Vous savez à quoi vous attendre. Donc le jour où la Red Bull sera mieux, vous savez que si vous venez vous frotter à moi, vous y piquez. Voilà. Donc je pense que le message, c'est juste celui-là, ni plus ni moins. Alors, il y a quand En même tout cas, deux. on peut encore de nouveau saluer sa pole. Et moi, je suis pas trop d'accord parce que il commet quand même une erreur au tout premier virage. Enfin voilà, il part un peu en dévers et c'est ça qui va gêner Norris. Donc c'est quand même lui pour moi qui est vraiment en tort. Et à mon avis, pour moi, j'étais plus en faveur d'une pénalité de 5 secondes parce que clairement, sans cette erreur-là, sans ce tassement-là, Norris allait passer. Après, moi, en fait, comme le dit Sobret, une délicate, il n'y a pas une règle qui dit qu'il faut laisser la place si le code sportif international dit précisément qu'il faut laisser une largeur de voiture, ce que n'a pas fait Verstappen. Alors, l'argument, on dit merci à Verstappen, sinon c'était parti pour un Grand Prix chiant, mais non, on lui dit pas merci parce que ça n'empêche pas de respecter le règlement, en fait, de que le Grand Prix soit chiant ou pas. Et moi, il y a un problème que j'ai avec Verstappen, c'est que là, il essaie de justifier ça par j'ai rien à perdre, mais en fait, quand il avait quelque chose à perdre, il conduisait exactement de la même façon. Donc, je vois pas la différence qui est faite, et pour moi, c'est un faux argument. En fait, c'est juste que là, il trouve enfin, un truc à dire pour justifier son comportement, mais je pense que c'est un gros souci, quoi. Pour rester dans le domaine des batailles, parce que je ne veux pas l'oublier, on notera que McLaren n'a pas besoin de l'intervention de la FIA pour décider de rendre d'elle-même la place quand il y a eu un dépassement hors piste. Puisque voilà, quand Norris effectivement a dépassé Verstappen hors piste, Je ils se crois sont même de lui-même que rendu la place sans que c'est même la FIA. Norris, c'est même Oui, Norris de lui-même, je crois. c'est ça. Oui, je sais, après, on n'a pas forcément toutes les communications radio, puisque la FOM ne diffuse pas forcément tout. Mais en tout cas, on sait Sur que la la, FIA. sur la Sky, sur la Sky, Davidson a écouté, il a dit que c'était Norris lui-même. Voilà, donc voilà, donc lui au moins voilà, c'est fair play, c'est direct, il n'y a pas besoin d'attendre que la direction de course s'en mêle pour demander de rendre la place. Pour le Parce qu'en coup, général, le cas chez Red Bull et Verstappen qui sont pas aussi fair play que ça, donc voilà, pour le coup, il y a clairement 1-0 côté fair play niveau McLaren face à Red Bull. Et le gros problème, moi, je trouve, dans tout ça, c'est quand même que le fair play ne paye pas. Parce que finalement, Red Bull et Verstappen ne le sont pas la semaine dernière, ça les avantage. Norris et McLaren le sont. Et alors que Norris aurait pu faire pareil, parce que s'il prend 5 secondes, il a largement le temps de passer Verstappen et de lui coller les 5 secondes, c'est ce qu'il fait. Donc en fait, il aurait très bien pu rester devant après l'avoir dépassé hors piste. Et certes, le dépassement n'était pas du tout légal. Mais c'est moi, je trouve qu'il va quand même falloir revoir. Alors bon, d'après Mohamed Ben Sulayem, il y a 4 ans, le règlement va être réécrit. Mais je pense que il y a un problème de niveau des pénalités et de gravité des pénalités parce qu'effectivement. On va mettre qui? Parce que c'est pas le gars qui se tient toujours à l'arrivée, qui attend qu'on le salue, que tous les pilotes snob en ce moment. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est ce mec-là, ouais. C'est juste énorme. Il dit, salut, tu veux bosser à la FIA parce que j'ai viré tout le monde et j'ai plus personne. Bon, il ouais. Alors, Étoile Polaire dit, je vous trouve trop romantique, mais désolé de vouloir juste une F1 où on respecte les règles. En fait, il y a pas mal de gens. Et oui, effectivement, Schumacher et Senna le faisaient aussi, ils n'étaient pas pénalisés, mais à l'époque, il n'y avait pas un règlement aussi Non. précis. Et effectivement, à l'époque, ils le faisaient et c'était totalement compris dans ce qu'était la Formule 1 à l'époque. Aujourd'hui, on a un règlement qui a évolué, qui est passé de, à l'époque, il faisait 15 pages ou 10 pages. Aujourd'hui, il en fait 80. Et on a un règlement qui est beaucoup plus précis, qui donne tous les cas spécifiques. Et en plus de ça, qui est lié à une annexe, qui est le Code sportif international, qui lui-même a 10 ou 15 pages. Donc, c'est très, très important. Enfin, c'est énorme en termes de directives. Non, Doco, les voitures n'étaient pas moins larges à l'époque. Elles faisaient 2,13 m, je crois, de large. Aujourd'hui, elles font 2 mètres. Donc, c'était plus large, mais elles étaient plus courtes. Mais c'est surtout qu'à l'époque... il y avait une énorme différence de performance. Ah, c'est ça. Surtout qu'à l'époque, en fait, il y avait énormément de dépassements parce qu'il y avait du premier au dixième sur la grille, il y avait en moyenne 2,5 secondes, 3 secondes. C'est pas plus, des fois. Ouais, si, c'est pas plus. Donc, forcément, voilà. Après, en fait, c'est pas une question d'être romantique, c'est une question qu'il y a un règlement, ce serait bien que tout le monde le respecte. Et encore une fois, il y a des gens qui respectent ce règlement et qui gagnent des grands prix, qui sont champions du monde. Donc, alors oui, il peut y avoir des entorses de temps en temps, je dis pas le contraire. Verstappen ferait ce qu'il a fait hier sans avoir son background habituel, honnêtement. Je pense que tout le monde s'en foutrait parce que ça peut arriver, une précipitation, machin, tu fais une erreur. Bon, ça peut arriver. Mais Verstappen, quand est la dernière fois qu'il est parti en première ligne et qu'il s'est laissé passer en admettant avoir été battu? Non, et ça n'est pas arrivé. Enfin, ça n'arrive pas. Donc, après, il a ruiné la course de Norris et je pense que c'était un petit peu son but secret aussi. Oui, oui, bah sûrement. Mais bon, en fait, le problème, c'est quand c'est pas celle de Norris, c'est celle de Piastri. Quand c'est pas celle de Piastri, celle de Leclerc ou celle de Russell ou celle d'Hamilton. Donc en fait, c'est partout, c'est avec tout le monde pareil. Et c'est ça le gros problème. Pour moi, c'est un peu ceci. Il n'y a pas de petit gain chez Verstappen. C'est quand je ne peux pas gagner, je fais en sorte que mes adversaires aient la vie la plus difficile possible. C'est une méthode, c'est un processus, c'est une façon de penser, c'est une éducation, c'est tout ce que tu veux. Il n'y a même pas de mot. Enfin, il y a un mot si c'est Verstappen. Quoi. C'est du Verstappen. Et illégal. Alors, illégal, un peu comme l'équipe de Nakano Red Bull, hein, qui a commis une énorme bourde hyper dangereuse au sprint. Ah oui. En faisant un unsafe release, mais alors unsafe avec un grand U, qui aurait pu très très mal tourner, hein, comme on dit Antonelli. Et je pense que la sanction de 10 secondes, pour moi, je l'ai trouvée légère, parce que vraiment, c'était... L'unsafe release de Red Bull a mis en danger beaucoup de mécanos, et ça prouve aussi que chez Red Bull, il n'y a pas que la voiture qui marche moins bien, il y a aussi l'opérationnel. Oui. C'est l'équipe qui a perdu beaucoup de talent, qui fonctionne moins bien. Les arrêts en stand, c'est pas eux qui battent des records maintenant. Et mine de rien, ça a fait perdre à peu près, je sais pas, 5-6 points à Verstappen, c'est pas rien, hein, si le titre se joue. Donc, grosse erreur de Red Bull, vraiment grosse erreur en termes d'opérationnel, indigne de son statut. Qui s'est de nouveau fait engueuler d'ailleurs par Raymond Verbelen, le manager de Verstappen, qui a repris Horner et Marco entre quatre yeux dans le garage, parce que bon, pas content. Yeux. Oh, pardon. Oh. Oh. Non, mais non, on avait dit pas les yeux. Pardon. Non, mais il y a ça. Et puis d'ailleurs, c'est très marrant que d'ailleurs ce genre d'incident, d'ailleurs, effectivement, comme tu dis, qui aurait pu être très grave, arrive à un moment où effectivement le projet de remonter de la vitesse dans la ligne droite, enfin de la pit lane, arrive. Puisque bon, si vous l'avez suivi effectivement sur Next Gen Auto, il y a un projet de remonter de 20 km/h la vitesse limite. Là où c'était 60 km/h, ça va passer à 80, et là où c'était 80, ça va passer à 100, histoire de gagner 5 à 7 secondes de temps moyen sur tous les arrêts. Voilà, puisqu'on a un arrêt, ça, ce qui coûte, c'est effectivement le temps entre l'entrée, l'arrêt et la sortie, c'est entre 22 et 29 secondes à peu près selon les circuits, grosso modo, pour schématiser, et on gagnerait entre 5 et 7 secondes en remontant de 20 km/h. Voilà. Bon, on reviendra pas à ce qui s'est passé avant 94 et les incidents horribles de cette saison là pour ceux qui ont connu et qui ont suivi, c'est-à-dire où la vitesse n'était absolument pas limitée dans les stands, où, voilà, vous pouviez rentrer à 250 et ressortir à 250, hein, si la ligne droite le permettait dans les stands, c'était ça qui se passait. Mais voilà, le fait que cet incident là arrive, c'est vraiment l'unsafe freeze par excellence qu'on n'avait pas vu depuis un bon moment en F1, avec une bonne percussion entre deux monoplaces, ça aurait pu effectivement être plus dramatique avec 20 km/h de plus. Ouais, si vraiment la FIA veut des idées parce qu'ils ont des gros problèmes avec les arrêts au stand, je sais pas quoi, ils peuvent aussi redécider de ce qui se faisait avant les années 70, c'est-à-dire de ne pas mettre de mur entre la piste et les stands. Comme ça, les pilotes arrivent à pleine balle, s'arrêtent au dernier moment et puis on perd pas de temps au stand. Mais au bout d'un moment, c'est ridicule. En fait, là, on est en train de commencer à vouloir compromettre la sécurité pour privilégier le sportif, ce qui n'a pas été fait depuis le début des années 90. Donc c'est une décision qui, au-delà de sa dangerosité et de... Parce que elle serait dangereuse, 20 km/h, c'est quand même énorme, on le voit sur un accident comme l'autre jour, là ça tape tout juste, mais sur un pilote qui en harponne un autre avec 20 km/h de plus, la voiture peut largement terminer dans les stands, donc, enfin dans les mécanos. Et Et en fait, je comprends pas comment on peut accepter à la FIA l'idée de refaire un espèce de bond en arrière de 30 ans en se disant on va commencer à négliger la sécurité T'as pour. pas 30 ans non plus. Non, mais c'est parce que ça fait 30 ans qu'aucune décision n'a été prise en dépit de la sécurité pour le sportif, tu vois, ça je veux dire. Et c'est on reviendrait à ce type de décision-là. Alors, en fait, c'était 2016 ou 2014, je sais plus quand c'est passé de 180 et de 80 à 60, donc on reviendrait juste, on va dire, ouais, 10-12 ans Oui. en arrière, je sais pas quand est-ce que c'était exactement. Bah, parce que même en apportant des pneus plus tendres, Pirelli n'arrive pas forcément à provoquer. Voilà, même là, à Miami, il y avait encore une fois un cran plus tendre que l'an dernier, et malgré cela, c'était confortablement un arrêt sans aucun problème pour tout le monde. Donc voilà, au bout d'un moment, il faut peut-être se dire, on fait des crans, on devrait dire que le plus dur, ça va être le futur C6. Et puis voilà, ce sera des gommes en caoutchouc, tout ce que d'ailleurs ne voulait pas avoir Michelin, parce que quand tout le monde a voulu que Michelin participe à l'appel d'offres, Michelin a dit non, on n'est pas là pour montrer que nos pneus, ils peuvent faire que 50 bandes, quoi. Ben C'est non. pas l'objectif. Donc devoir résumer des problèmes de déplacement de stratégie à des problèmes de longueur d'arrêt au stand et de souplesse, enfin de tendresse pardon, des pneus, effectivement ça prouve que malgré CF1 qui arrive quand même à se suivre de plus près, on l'a vu à Miami, comme les voitures sont quand même se suivent de très près, notamment aux enchaînements de virages, vous n'auriez pas vu ça avec des F1 de 2021 avant, ça c'est Non. sûr. Mais ça reste quand même compliqué parce que toutes les F1 se sont hyper rapprochées. Voilà. Vous auriez les F1 de 2022 aujourd'hui, ça aurait fait quelque chose d'encore plus spectaculaire. Maintenant, les F1 effectivement se tiennent en une seconde, voire moins. Donc c'est compliqué effectivement pour les déplacements. Donc l'accent est plus mis sur les équipes, elle est mise sur les autres paramètres qu'on peut modifier voilà, sans avoir à taper des dizaines de millions de dollars en développement côté équipe. Mais en plus, c'est vrai que, en fait, ce qui est con, c'est que là, je suis sûr que si jamais ils prennent pas la décision de changer la vitesse cet hiver, Ça sera pas cet hiver, ça va être pour les prochains Grands Prix. Hein. Je oui, crois c'est vrai. qu'il y a un vote Ah oui, électronique c'est vrai, putain. après Monaco, hein, je crois. Parce que j'allais dire, sinon, en fait, l'an prochain, ce serait même plus un problème, parce que de toute façon, il y aura des écarts qui vont se recreuser, et ça va être totalement différent. Et comme le dit Xoann, ça a gueulé sur les plus belles années de Pirelli qui a explosé parce qu'il fallait faire trois arrêts et ça veut y revenir. En fait, ils sont jamais contents et je suis sûr que si on repasse à quelque chose avec des pneus plus tendres ou des arrêts plus courts ou je sais pas quoi, ils vont finir par nous dire que de toute façon c'est pas la solution non plus parce que les arrêts plus courts, et ben, il y aura moins de différenciation sur la manière de gérer les arrêts et tout ça et qu'au final ça va faire l'inverse, on va forcément tomber dans l'excès inverse donc c'est un peu dommage. Enfin, c'est encore une fois c'est des réactions en conséquence de quelque chose qui est pas vraiment fondé et qui n'est pas vraiment le problème donc c'est un peu mais bon. On devrait être habitué, puis de fin 2021, la FIA a géré comme ça, donc c'est pas nouveau. Hein. Non, la seule solution, c'est d'arroser les pistes. Hein. Bernie Ecclestone le disait déjà il y a longtemps, il était visionnaire. Hein, donc, Voilà. Plus de 30 ans. Hein. Peut-être on pas fait, on 30 ans, fait 25 24 ans. courses, on fait 24 courses au Castellet, on arrose, on tire au dé pour savoir si on arrose ou pas, parce qu'il y a un système d'arrosage. Bah. Et puis voilà, on tire, par exemple. Jean-Lézy approuve ce message. Tu sais, tu fais un D6, 1, 2, on n'arrose pas, 3, 4, on arrose une demi-heure avant, 5, 6, on arrose pendant, tu vois, et puis au moins comme ça, on s'amuse avec des scénarios différents. Non, mais. On pourrait imaginer que, comme Mercedes, un pilote, enfin que deux pilotes de la même équipe ne peuvent pas partir avec les mêmes pneus. Voilà. Et un deuxième dé pour savoir combien de fois on arrose pendant la durée du Grand Prix. Entre une fois et C'est six ça. fois. En C'est plus, le ça. Castellet, c'est hyper Et. écologique parce que le système d'arrosage, il est totalement presque en circuit fermé. Donc, c'est une grande piscine Ah ouais, avec une grande nappe derrière. écologique, mais moins que le système d'arrosage de Silverstone qui est lui 100% naturel. Ouais, mais pas Mais garanti. ton idée de pas mettre les mêmes pneus dans la même équipe, Alex, Williams y a pensé en 2016, il avait fait encore mieux parce que c'était les deux pneus gauche tendres et les deux pneus droits C'est médium. vrai. Il était visionnaire aussi. Après, oui, Sacha Mandi, il faut faire tous les grands prix en Belgique, mais là, il y a le risque que du coup, on n'ait que 3 tours, 3 fois 24 3 tours par an. minutes. Donc, ça peut être un autre problème aussi. C'est un sprint, hein, c'est-à-dire le sprint le plus court de l'histoire. Alors, James Smith nous demande, vous avez déjà imaginé ce qu'il faudrait faire pour relancer le spectacle sans prendre de risques supplémentaires? En fait, il faut admettre en Formule 1 que le spectacle passera soit par une hiérarchie très serrée et donc des qualifs très intenses et tout ça, soit par des écarts un peu plus larges et des courses avec des dépassements. Et le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on est tellement dans une F1 spectacle qui veut tout le temps, tout le temps, tout le temps qu'il y ait des courses animées, des qualifs animés, des sprints animés, des qualifs sprints animés, qu'en fait on veut de la baston tout le temps. Mais ce n'est pas possible. La F1 a montré que on le voit bien. Avec les fins de réglementation, on est souvent sur des courses un peu chiantes, parce que c'était le cas en 2008, c'était le cas en 2012, c'était le cas des courses un peu chiantes, mais une saison hyper disputée, parce qu'on a 6, 7, 8 vainqueurs, et pas mal de poleman, où on a des saisons avec moins de suspense au championnat, mais des courses beaucoup plus intenses, parce que justement, on a soit un vainqueur qui échange, soit derrière le vainqueur, il y a beaucoup de baston. Et mais Non, c'est. c'est la peur à main nue. Ah, ouais. Ouais. C'est la peur à main nue de faire peur aux nouveaux fans, en fait. Tous les Ouais. nouveaux fans qui sont arrivés depuis Netflix, hein, soyons clairs, Netflix a eu un effet Oui. énorme. Le Covid aussi a eu un autre effet énorme de rance à la F1. Les deux combinés, c'est effectivement cette volonté de satisfaire absolument le spectacle, de ne pas proposer de courses chiantes, hein, c'est le mot, à tout ce nouveau public qui est en train de. Bah voilà, qui a largement même dépassé tous les vieux de la vieille, hein, dont on fait partie. Hein. Voilà, donc c'est absolument voilà, de proposer le meilleur produit Et possible. Mais quand vous vendez un produit très cher aussi en bord de piste, avec des billets sur 3 jours qui dépassent allègrement souvent les 1000 euros, bah les gens sont en droit aussi effectivement d'attendre un spectacle intéressant. Donc on peut toujours faire mieux, hein, voilà, mais sans que ce soit artificiel. Donc par exemple, l'idée des 2 arrêts à Monaco, moi j'ai hâte de voir ce que ça donne. ouais. En tout cas, on a eu du spectacle. On a eu un sprint qui était exceptionnel, des Oui, qualifs qui oui. étaient pas à suivre et une première moitié de course qui était quand même géniale. Donc, on ne peut pas trop se plaindre Non, sur ce c'était niveau. pas un mauvais week-end en termes de spectacle, mais malgré Alors que tout, les gens. Miami, bon, à Miami, c'est pas l'acmé de la F1. Hein. Mais Miami, je trouve que pour beaucoup, enfin beaucoup de monde dit on s'y fait chier, mais je trouve que les courses sont quand même pas mal. Finalement, il y a peu Bah, jusqu'en d'éditions. 2041, j'espère que ça va être bien quand Très bon argument, effectivement. Mais non, non, mais je trouve que les courses sont pas si mauvaises. 2023, il y a la remontée de Verstappen. 2024, il y a Les safety le cars, hein, safety les car safety cars. qui brasse pas mal. 2022, il y Ouais. avait eu un petit peu d'action en piste aussi, donc c'était La quand même grosse pas mal. alerte, c'est quand même la pluie, quand même. Parce que là, on a eu de la chance, mais s'il pleut un peu plus fort, on voit très bien qu'entre tous ces grillages et tout, les pilotes ont, même une fois que la pluie s'était quand même arrêtée depuis un bon moment, les nuages d'eau ont quand même beaucoup de mal à se dissiper. Et Ouais. ça a quand même dû attendre. Et heureusement qu'il y a des souffleuses, ce genre de choses, parce que. C'est vrai que c'est le point d'interrogation, c'est le jour où il pleut, enfin le week-end où il pleut beaucoup. On risque de vraiment être très frustré de rien Bah. voir. Surtout que le Grand Prix à 22h, si vous attendez encore 2 heures que ça parte, c'est un Grand Prix à minuit, les gars. Du coup, Ouais. le Grand Prix sera annulé et Miami, en compensation, sera prolongé jusqu'en 2042. Non, mais c'est vrai que si tu penses Voilà. à Belgique 2021 où les Grands Prix vraiment retardés par la pluie, ça fait qu'en France on peut avoir une course qui se termine à 2-3 heures du matin, quoi. Et John Smith disait aborder un sujet sur le qu'est-ce qu'il faudrait faire à la F1 que j'allais aborder. Il dit quand on autorisait les moteurs à monter loin dans les tours, la fiabilité était plus aléatoire et le suspense était au rendez-vous. Le problème, c'est Oui. qu'au-delà des montées dans les tours, c'est qu'on veut des moteurs qui font un tiers de la saison, voire la moitié pour Et certaines pièces, t'as le coup. et la fiabilité n'est plus du tout une donnée aléatoire. Et c'est vrai que bah, forcément, à l'époque où tu avais potentiellement 6 voitures qui cassaient. De leur moteur ou 8 voitures qui sont leur moteur en course, t'avais des surprises parce que bah, ceux qui étaient fiables allaient au bout et faisaient directement un top 5 ou un podium. Et dans la même lignée, j'ajouterais que le problème entre guillemets de la Formule 1, c'est qu'aujourd'hui les pilotes sont trop bons. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'accidents, il y a énormément de courses où il n'y a pas un seul accident, pas un seul accrochage, pas un seul abandon sur une casse. Et au final, eh ben, oui, on n'a pas de surprise, on n'a pas de neutralisation, on n'a pas d'erreur sous la pluie. Enfin, quand on voit Monaco 2023, où je crois, où il pleut quasiment toute la course, il n'y a pas une seule erreur de pilote, il y a juste Stroll qui se met dans le mur, mais même pas violemment. Même Stroll, oui, non, mais même Stroll, il fait pas tant d'erreurs. Et ben oui, c'est aussi le problème, mais bah, c'est un peu le comment dire le contrebalancement de cet élitisme qu'on cherche quand même en F1. Donc c'est Sinon, un il peu le faut rappeler souci. Taki Inoue, Yuji Ide, Voilà. Pedro Et Diniz, voilà. rappeler Peugeot pour mettre des moteurs. C'est ça. Alors Ricardo Rosset aussi. Arrêtez de taper sur Peugeot C'est pas Peugeot d'ailleurs qui cassait, c'était Asiatech, c'était pas pareil. Oui, et après c'était des Ferrari, c'était pas Ferrari, c'était C'était Acer, mais Acer. c'est Bon, c'est ça. Ça Acer. sert à rien. mais Pure effectivement, tech, enfin, ah oui. c'est bien, ouais, changement de courroie tous les week-ends. Non, pendant la D'ailleurs, course. Pendant la course. Prost Castellet, il y a 10 jours, a reconnu que le moteur Honda monté sur sa McLaren sortait 1500 chevaux aux essais. Brabham aussi, ils avaient un BMW qui en qualif montait à 1500 Ouais. chevaux. Et en course, c'était à peu près 1000 chevaux, de manière un peu plus raisonnable, on va dire. Mais alors, Ultra Rythmo, qui participe pour la première fois dans le chat, bienvenue à toi, dit ça vient aussi du fait qu'ils sont beaucoup plus dans la gestion en course, pneus notamment. Il y a aussi ça. Mais C'est pour ça c'était qu'un aussi. deuxième arrêt est obligatoire avec les mêmes Ouais. pneus, ce serait pas si mal. Mais C'est pour ça ça. que j'attends de voir. Bah Monaco, c'est pas forcément le mieux pour tester ça. Mais un deuxième arrêt obligatoire sur un circuit où ça use pas trop les pneus, pour histoire de varier un petit peu les stratégies, ça peut se tenter. Ouais, c'est vrai. Non, non, mais ça peut être pas mal. Hein. De toute façon, ça peut. Enfin, Monaco, ça me paraît être le plus urgent à tester des choses pour. Sinon, on met des C6 partout. Hein, je veux dire, au bout d'un moment, ils ont créé des C6 pour Monaco et compagnie. On met que des C6 sur la fin de l'année et puis voilà. Hein. Mais le problème, c'est qu'avec la construction qu'ils ont, ils sont quand même trop résistants. Même les pneus tendres, au final, bon, à part vraiment sur certains circuits, mais je trouve que les pneus, à chaque fois, ils sont. Pirelli imagine toujours des pneus moins résistants qu'ils le sont vraiment, quoi. Ben, ils ont peur des explosions de pneus aussi. Ah oui, ça les a vaccinés, ça, effectivement, c'était pris une shitstorm pas possible là-dessus. Hein. Ah bah c'est sûr, ouais. C'est sûr. Mais bon, si ça rentre dans la partie spectacle, on dit, bah voilà, on prévient tout ça, bah, je pense que c'est quand même aussi beaucoup plus admis après derrière que ça peut arriver. Maintenant, question de sécurité, bon, c'est pas plus dangereux qu'autre chose. Hein. Non, c'est sûr. C'est plus soudain, c'est sûr, mais bon, une suspension qui casse, un aileron qui s'envole. On avait vu en plus que les explosions, c'est souvent des délaminations. Au final, c'est pas non plus le truc qui fait que la voiture part complètement dans tous les sens. Exactement. Et pour finir avec Red Bull, puisqu'on était là-dessus un petit peu digressé, Yuki Tsunoda termine 10e pour 0,168 millième, enfin 0 seconde 168 face à Hadjar, puisqu'il a eu une pénalité pour excès de vitesse au stand. Il était juste en avance sur son temps, manifestement. Et du coup, il a pu quand même rester devant Hadjar. Alors, il y a une belle bataille à distance, puisque les deux ont roulé très très fort tout le long de la fin de course. Et au final, le Japonais en sort vainqueur. Donc, un week-end pas terrible pour lui, c'était un peu compliqué quand même. Très mauvaise qualif sprint, du coup, des changements de réglage pour le sprint. Il a fait une belle remontée hein, au sprint, parce qu'il arrive à revenir dans les points. Il finit même 6e après des pénalités, je crois. 3 points, il prend, ouais. Donc, il prend 3 points. On est en partie quand même en fond de grille. Il prend 3 et 1. 3, ouais. C'est toujours mieux que Perez. Ouais. Et très bonne gestion de Red Bull d'ailleurs sur la voiture de Tsunoda, puisque c'est le premier qui a chaussé les pneus, qui a changé de pneus, qui a chaussé les pneus slick pendant le sprint. Et ça a bien payé, parce qu'il avait les pneus chauds au moment où tous les autres étaient en train de galérer à les faire monter en température. Et on l'a vu vraiment très à l'aise dans le peloton. Mais bon, week-end un peu compliqué pour Tsunoda. Il disait lui-même qu'il comprend pas la voiture, qu'il a pour la première fois très clairement parlé des limitations de la voiture et de choses qu'il n'arrive pas à décrire, mais qui l'empêchent d'attaquer et d'aller vraiment à fond avec la RB21. Et là, on revient un peu au discours qu'on entendait chez Albon, chez Perez, chez Lawson, chez Gasly, qui est ce même souci toujours avec les voitures de cette équipe. Bon après Tsunoda c'est quand même pas alarmant non plus, mais je sais pas si vous avez un truc à dire dessus, si il vous impressionne un peu quand même, parce qu'il arrive quand même à être pas si loin que ça sur la qualif, je crois il est pas très loin de Verstappen, mais ça dépend des moments en fait. Ouais. Des fois c'est intéressant et des fois ça plonge un peu. C'est on va dire que c'est plus prometteur que ce qu'on a vu récemment, soyons clairs. À voir avec les évolutions d'Imola, si cette voiture qui est censée être beaucoup plus facile à piloter, avec les évolutions, selon Marco, hein, évidemment. C'est le cas au début d'année. Voilà, si ça va lui convenir ou pas. C'est moins pire, et puis Tsunoda, il connaît très bien Imola, puisqu'il y a, ouais. Il a roulé plein de fois en essai privé, donc bon, à voir si ça fait la différence, mais voilà, c'est moins pire. C'est moins pire. Voilà, c'est le mot, moins pire. Je suis assez d'accord. C'est vrai que Imola, ça peut être pas mal pour lui, ne serait-ce que pour avoir de la confiance et trouver un peu plus facilement la limite. C'est vrai que vu que c'était à 15 km de Faenza, qui est le quartier général de Racing Bulls, il y a quand même beaucoup roulé avec l'équipe. Après, voilà, Red Bull a refusé une solution Carlos Sainz l'an dernier, qui se présentait naturellement à elle. Voilà, bah, maintenant qu'ils en tirent eux-mêmes les conséquences. Hein, voilà. Tout à fait. Et c'est une très belle transition, puisque nous allons parler de Williams. Wow. Alors là, très très bon week-end de Williams, grosso modo. Hein, quatrième place d'Albon au sprint. Il a eu une pénalité, donc il la perd sur le tapis vert. Il était très déçu. La qualif était très bonne pour Williams, puisqu'ils sont 6e et 7e pour la qualif, au départ de la course. Et il termine 5e pour Albon et 9e pour Sainz. Course un peu brouillonne de l'Espagnol. Néanmoins, très très très bonne performance de la part de l'équipe, qui était grosso modo à 3 dixièmes de la pole samedi et qui a roulé dans les temps des Mercedes et de la Red Bull, de la Red Bull, parce que Albon a dit lui-même qu'il n'avait jamais réussi, même à l'époque où il était pilote Red Bull, à garder Verstappen en visuel toute la course, et là il a enfin réussi. Et il a dit que Russell avait été chanceux avec la safety car, sinon il y avait la possibilité pour lui de terminer quatrième devant la Mercedes. Et il était lui-même assez impressionné de devoir dire ça, donc très très bon week-end de la part de Williams et d'Albon, je trouve, qui a été quand même taille patron et qui maintenant a 30 points au championnat et 37 points pour Williams. Donc très bon week-end, Alex. Ben on comprend un peu plus les regrets de Sainz qui dit quel dommage qu'on développe pas plus cette voiture parce qu'on est à 4 dixièmes de la pole. Alors même si je suis pas tout à fait d'accord parce que les autres aussi vont s'améliorer et il vaut mieux se concentrer sur 2026, mais sur Williams, j'ai toujours la même réaction, c'est qu'heureusement qu'ils n'étaient pas censés préparer 2025 et tout déjà miser sur 2026 en bâclant un petit peu cette monoplace-là. Eh bien non, c'est un peu les Aston Martin d'il y a 2 ans, finalement, j'ai l'impression, c'est-à-dire dans un no man's land un peu à la cinquième position, en tout cas sur cette course-là, et même quatrième force-là, donc c'est franchement énorme, énorme, énorme prix, avec quand même un petit peu moins bien pour Sainz, hein, qui a fait d'abord une erreur en SQ2, en bloquant ses pneus, et puis qui a eu un peu de dégâts aussi durant la course principale, ce qui a perturbé aussi son rythme, mais sinon, énorme, énorme week-end d'Albon quand même. Vraiment, effectivement, la taille patron, il a battu les Ferrari, il a dépassé Antonelli. Hein, donc, c'est quand même assez incroyable ce qu'a fait Williams. Alors, ce sera peut-être un peu moins bien sur les circuits suivants qui pourraient moins convenir à la voiture, et ce sera moins bien en deuxième moitié de saison parce qu'ils développeront plus cette Williams. Ils sont déjà passés à l'an prochain, ce qui se comprend parce qu'en plus, ils ont quasiment le double de points de Haas, donc ils sont partis pour faire cinquième et sixième. Est-ce que ça change la vie? Non. Donc voilà, c'est franchement une équipe bien gérée, avec des bons pilotes, du capital. Voilà, donc rien à dire, vraiment chapeau. Ouais, moi je suis assez d'accord. Franck, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, excellent week-end de Williams. Je vous trouve un petit peu sévère sur Sainz quand même, parce qu'il a quand même été beaucoup plus dans les chronos aussi d'Albon quand même sur tout l'ensemble du week-end. Donc on va dire que la phase d'adaptation, d'intégration de Sainz qui l'avait planifié sur 5 courses, finalement ça fait 6. C'est à peu près le planning qui est respecté. En tout cas, lui, il réussit à le faire, ce que Hamilton n'a pas fait pour l'instant chez Ferrari. En tout cas, pas de la même façon. Donc oui, alors, Wolff avait quand même prévenu Sainz en le recrutant que la voiture 2025 serait quand même bien meilleure et tirerait quand même des leçons de celle de 2024. De là dire qu'elle a été bâclée, c'est peut-être aller un cran un peu trop loin quand même. Donc j'ai pas trop envie de. Enfin, je soutiens pas cette affirmation-là non plus. Parce que voilà, Wolff avait quand même mis des arguments sur la table pour convaincre Sainz. Et Sainz a clairement dit, bah, tout ce que m'a dit James, il l'a dit encore ce week-end, tout ce que m'a dit James a été respecté. Que cette voiture serait effectivement meilleure que celle de l'an dernier, c'est le cas. Que tout progresse, tout, voilà, mais que 2026, effectivement, ça reste l'objectif numéro 1 de Williams depuis très longtemps. Et qu'il n'y ait pas. Il y a encore quelques pièces qui vont arriver, ce qu'a dit Wolff aussi, c'est que bon, c'est des pièces qui sont prévues, effectivement, depuis. Pas depuis les essais hivernaux, mais peut-être les premiers enseignements des deux ou trois premières courses, voilà, qui vont arriver, et qui ça va être effectivement les dernières choses un peu sensibles. Ensuite, il y aura peut-être des petites pièces par-ci, par-là, s'il y a des petites trouvailles qui coûtent pas très cher à produire et à faire, on s'en privera pas. Mais effectivement, ma focus sur 2026, et j'ai envie de vous dire que comme ça va être strictement pareil pour tous les adversaires de Williams, il faudra pas s'attendre à ce que Haas fasse une remontée exceptionnelle, que Alpine fasse une remontée exceptionnelle, tout le monde va être logé à la même enseigne. Ils n'ont pas besoin de dépenser plus d'argent. Alors effectivement, ça peut être un peu frustrant pour les pilotes Williams de peut-être pas pouvoir aller chatouiller les top teams. À voir si ça se répète sur d'autres circuits. Effectivement, Miami était peut-être un peu une exception. Mais si effectivement Williams commence à jouer beaucoup plus souvent dans la cour des Ferrari, Dieu m'en préserve. Mais effectivement, ça pourrait être effectivement un peu frustrant. Et du coup, Carlos pourrait se dire, bah, finalement, c'était pas un mauvais choix de s'être fait virer de cette équipe Ferrari qui est aujourd'hui derrière Williams. Donc, bon, voilà, ça reste un grand prix, ça reste pas la même puissance de feu entre les deux équipes. Mais ça doit avoir un petit côté un peu satisfaisant pour l'Espagnol. Quant à Albon, bah rien à dire, c'est effectivement super, super week-end. Extrêmement dommage pour sa pénalité effectivement au sprint qui lui coûte beaucoup beaucoup de points. Mais Williams, voilà, Williams s'échappe largement devant les autres équipes du peloton. Donc même sans développement à venir, je pense qu'ils garderont très bien une bonne place. Et c'est pas. J'en vois dans le chat disant ouais, mais voilà, mais il y a aussi des sous à prendre à la fin du championnat. C'est pas une ou deux places près qui changeront grand-chose pour le projet 2026. Et voilà, Williams a énormément de soutien. Financièrement, ça va beaucoup mieux. Dorilton engrange les sponsors, ça signe. Il y a Sainz qui arrive aussi. C'est le jour et la nuit. Hein. En termes de revenus, pour vous dire, Williams a fait du x2 en l'espace de 3 ans. Tout simplement. D'ailleurs, Sainz a dit en jeudi, je suis très content pour la première fois de ma carrière de passer un Grand Prix aux États-Unis dans une équipe américaine. Donc, on voit là que Dorilton pèse quand même pas mal. Et Petite statistique sur Williams, c'est leur meilleure saison sur le plan comptable depuis 2017, puisqu'ils ont déjà marqué plus de points qu'en 2023, qui était leur meilleure saison depuis. Avant ça, c'était 2017, donc ils avaient marqué 80 et quelques points, 89, je crois. Et là, ils en sont à 37, donc il y a possibilité d'aller chercher encore plus. Et effectivement, moi, je suis totalement d'accord sur le fait que. Comment dire, même s'ils perdent en performance, ils vont pas être très loin, ils vont pas être derrière Alpine, derrière Haas, derrière Aston, parce que c'est des équipes qui vont pas non plus aller très loin dans le développement de 2025, et au final, ils vont largement maintenir leur forme sur la 5, 6, 6, 7 maximum, et au final, de toute façon, s'ils perdent de l'argent à la fin de saison, ils gagneront du temps de développement début 2026, donc c'est quoi qu'il arrive, il n'y a pas de mauvais calcul pour Williams, c'est ça qui est bon. Moi, je veux juste répondre dans le chat, là, je lis Claire a sûrement vendu son écurie au pire moment. Non, absolument pas. Elle n'avait plus l'étoffe de redresser cette équipe, une Ouais. équipe gérée avec une feuille Excel, hein, on le rappelle. Aucune procédure, aucun processus correct en production, en conception. C'était vraiment un truc géré à l'ancienne, à Moi, cela dit, l'artisanale. le court Et terme, c'est voilà, c'était fait. court-termiste, c'était pas Lilo qui était censé être le sauveur, c'était n'importe quoi. J'ai oublié. Il fallait vraiment investir de l'argent, trouver quelqu'un qui reprenne ça et puis se remettre vraiment de l'argent. Voilà, c'est Claire Williams ne pouvait pas sauver son écurie par elle-même. Elle aurait continué parce que la F1, effectivement, a une meilleure dynamique financière aujourd'hui. L'écurie aurait été toujours bonne dernière, voire même liquidée, hein, puisque au bout d'un moment, si vous pouvez plus sauver le patient, il faut l'euthanasier. Hein. Donc, non, non, non, Claire l'a pas vendu au pire moment. Elle a peut-être pas vendu au meilleur prix possible, ça c'est sûr. Mais il fallait de façon que Williams passe la main à quelqu'un d'autre. Ouais. Parce que là, c'était vraiment plus possible. Et d'ailleurs, on voit que les problèmes étaient tellement profonds chez Williams que d'autres ils se sont cassés les dents aussi. On se rappelle de Jost Capito qui a jamais rien réussi à faire parce que il n'a pas assez décidé de faire de changements en fait. C'est qu'il a fallu quelqu'un comme James Vowles qui lui est parti vraiment très très loin dans la restructuration, à la fois la restructuration de l'équipe, mais à la fois la restructuration des process, de sorte à réussir à justement se débarrasser des vieux démons qui faisaient qu'on gérait tout à l'arrache chez Williams. Et il faut pas oublier que les dernières saisons avec Claire Williams à la tête, malheureusement pour elle, c'est 2019 où la voiture arrive avec 4 jours et demi de retard aux essais hivernaux parce qu'il manque des pièces, et c'est 2020. Alors 2020, où ils signent avec un sponsor qui leur fait faux bond pendant le Covid et qui de toute façon était une entreprise un peu foireuse, et ils se retrouvent sans aucun Rockit? budget. Ouais, Rockit. Rockit, ouais. Et voilà, fin 2019, il faut pas oublier qu'ils demandent à Kubica d'abandonner sur plusieurs courses parce qu'ils n'ont pas assez de pièces pour finir la saison. Enfin, faut bien se rendre compte de l'état, au-delà du financier, de l'état logistique de Williams sur la fin des années 2010. Donc, et effectivement, ils ont continué avec ce problème-là jusqu'à ce que Vols mette un grand coup de pied dans la fourmilière et pour le meilleur de l'équipe. Mais A sauvé c'est pas son pour équipe en autant que c'est avoir. réglé, hein. C'est pas pour autant que c'est réglé et le sous-investissement de Williams va continuer de produire ses effets les années suivantes. Et ce qui a sauvé aussi Williams, hein, c'est les parties médias, hein. Netflix, les budgets Oui. plafonnés, on dira jamais assez. Ça a rendu la Formule 1 hyper attractive et hyper rentable avec les budgets plafonnés qui ont dit voilà, c'est incroyable le business, vous savez combien vous allez dépenser par avance. Et forcément, ça attire les investisseurs. Donc, dans Reclaim Capital, ils ne sont pas venus aussi simplement pour l'amour de Williams. Et ils sont venus parce que, tiens, voilà un business qui explose. Les dépenses sont maîtrisées. C'est le règlement qui les dit. Les revenus explosent. Alors, évidemment, ça attire les investisseurs. Donc, je pense qu'on peut aussi tirer un coup de chapeau à Liberty Media et tous ceux qui critiquent Netflix, etc. Le bilan de Liberty Media, bah, en fait, regardez l'état de la Formule 1 et regardez l'état de la Formule 1 à la fin de l'ère d'Ecclestone. Et moi, j'ai fait mon choix, en tout cas. Ça c'est certain, moi c'est pareil. Effectivement, on nous dit Jacques Lafitte a couru chez Williams. Il y a eu énormément de très bons pilotes qui ont couru chez Williams. On se rappelle que le dernier vainqueur en date est Pastor Maldonado. Ça fait mal quand même. Ouais, je sais. Non, mais Et je... totalement mérite, hein, en plus. En plus, mais Oui, c'est ça. Non, non, mais sa saison 2012 est loin d'être dégueulasse. C'est ça le pire. ça avait mis le feu au garage d'ailleurs, dans tous les sens du Littéralement. terme. Littéralement. Père Pastor, effectivement. Mais non, non, mais effectivement, Williams a une équipe, a une histoire totalement folle en tant qu'équipe, et c'est très bien qu'elle en soit aujourd'hui et que les nouveaux propriétaires aient gardé le nom parce que c'est un nom qui est important. Oui, c'est une équipe qui parle à tout le monde en fait. Mmh. Bah, peut-être pas aux tout nouveaux fans, c'est clair, mais au moins aux anciens, c'est vrai que ça a une petite portée un petit peu C'est vrai qu'il y a un petit. Moi, voir Williams réussir, ça me fait plaisir aussi parce que voilà, j'ai encore. Bon, c'est un peu mes débuts sur la F1, effectivement, c'est les années 80, enfin, la fin des années 80, des années 90, c'était Williams voilà, qui prenait la succession de McLaren. Il fallait bien enfin une équipe qui réussisse à battre ces satanées monoplaces de Ron Dennis à l'époque, qui vraiment gagnait tout, tout, tout, tout. Ouais, il y a Ferrari qui a essayé, un petit peu essayé de s'accrocher et tout, mais Williams, effectivement, c'est une énorme histoire. Après, voilà, c'est jusqu'en 97. Après, effectivement, à partir de 97, ça a été un peu la descente, un petit peu mieux avec BMW quand ils sont arrivés. Mais ça a jamais été le sommet des années 90, ça c'est sûr. Mais bon, c'est une équipe qui tient à cœur à beaucoup de gens parce qu'effectivement, dernière vraie équipe entre guillemets indépendante d'un maestro effectivement qui était Frank Williams, qui vivait vraiment pour son écurie. Et voir effectivement que le nom perdure avec quelqu'un qui veut lui rendre hommage aussi comme ça, rendre hommage à l'héritage qui est James Bowles, avec autant d'implication et d'acharnement, bah franchement. Ça fait plaisir parce que ça donne quand même un petit côté humain à cette équipe qui persiste grâce à cette intention en tout cas. Totalement d'accord. Doko nous demande le dernier podium, c'était pas Stroll, et non, c'était Russell en Belgique 2021, Ah, même le si le Grand Prix Belgique. n'a pas vraiment existé. Et avant ça, c'était Stroll, effectivement, Bakou 2017. Ouais, on va dire que le vrai podium, effectivement, c'est Stroll, ouais. Ouais, dernier vrai podium. Sobright Indicate nous demande, Bottas, ça n'a pas gagné une avec Williams, sinon il a fait des podiums, mais sa première victoire, c'était avec Mercedes en 2017. Non, il y a eu des pôles aussi, avec l'ère hybride, début de l'ère hybride avec une Mercedes. Pôle. C'était en 2014, il me semble, ouais. Autriche Massa, 2014, ouais, il faut Autriche. être la première Massa. ligne. Massa, il me semble. Pas, ça compte pas, bah, mais ça a compté puisque sinon, oui, ça a compté. Sinon il n'y aurait pas les points qui auraient été attribués. Mais ça compte pas émotionnellement. Ça comme dirait Toto Wolff, c'est une mini course, ce n'est pas pertinent. Il faut oublier que Nikita Mazepin avait fait le meilleur tour en course sur un tour derrière la safety car, mais il l'avait fait quand même. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas autant parlé de Williams dans une émission, les gars. Mais ils vont bien, alors faut en parler. Mais écoute, si tu veux, Franck, on va parler tout de suite de Ferrari. Next. Next. Ils vont mal, il faut en parler aussi. On va parler de Ferrari qui donc était derrière Williams tout le week-end, avec qui remue le couteau. Alors, c'est vrai que Ferrari, au-delà des. Alors, je sais pas si on peut dire au-delà des performances, la stratégie a été compliquée, ou si on peut dire au-delà de la stratégie, les performances ont été compliquées, mais ça a été un week-end très difficile. Le sprint, bah, malheureusement, une seule voiture au départ, puisque Charles Leclerc a tapé dans son tour de reconnaissance. Alors. Ouais, La stratégie au sprint a été formidable. Hein. Bravo Oui, Hamilton pour oui. avoir fait ce choix de rentrer sous la pluie. Donc là, voilà, ça sert aussi d'avoir un pilote Ah oui. qui a la vista comme Hamilton. Ça fait podium au sprint. Mais donc là, ils ont tout bien fait niveau stratégie. Mais la stratégie au sprint, c'était aussi d'envoyer en tour de reconnaissance les pilotes en pneus intermédiaires. Et ça n'a pas forcément porté chance à Charles Leclerc, qui y allait un petit peu. Alors c'est vrai qu'après, bon, Ferrari fait une erreur, mais Hamilton va au bout de ce tour. Leclerc, et moi, je trouve qu'il va quand même assez vite sur la ligne droite, qui n'avait pas vraiment une. Et effectivement, bah, aquaplaning. Pour moi, c'est pas une erreur. Hein. Il faut absolument jauger si c'est possible ou pas. Après, oui, si oui, oui, bien sûr. Les pilotes, ils vont un peu trop fort. Bon. C'est vraiment Mais, une erreur humaine. C'est là, toujours pour pareil, c'est, voilà, c'est une erreur humaine. Après, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas en vouloir au pilote pour une erreur comme ça. Hamilton ça peut... qui a révélé qu'il avait failli faire la même d'ailleurs que ouais. Leclerc, il est juste derrière lui. Hein. Oui. Ouais. Non, mais c'est pour ça que c'était très compliqué. Et effectivement, ça peut arriver à tout le monde, mais c'est vrai qu'on en foutait plein la gueule à Romain Grosjean quand il le faisait, donc pourquoi pas dire Charles Leclerc son erreur. Bah, Leclerc, il en fait une de temps en temps. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait, hein, ouais. de genre de boulette, mais c'est vrai qu'il a quand même été assez coutumier de mettre quelques voitures dans le mur aussi, quand même, il y a quelques temps. Mais, en s'auto-flagellant d'ailleurs. Mais... mais Hamilton, effectivement, voilà, Hamilton qui bouscule un peu, et du coup, on va peut-être aussi venir sur la partie des courses principales, qui bouscule oui. un peu la stratégie, qui, voilà, qui commence un peu à prendre du. Peut-être un peu, pas du galon, mais en tout cas du poids, en voulant s'imposer un petit peu. Voilà, à la radio, ça c'est clairement entendu hier. Et voilà, et qui l'a dit d'ailleurs après la course, il est temps un petit peu que chez Ferrari, on comprenne qu'il faut y aller aussi un peu franchement voilà, dans les échanges, parce qu'il faut ménager, il faut pas ménager les susceptibilités. Hein, je veux dire, c'est pas parce que tu es Ferrari que tu es forcément. Oui, tu es certes, tu es un grand nom, tu dois le respecter et tout. Mais chez Mercedes, quand ça marchait bien, c'était franco, et quand ça marchait pas, c'était aussi très franco entre les gens. Et il faut accepter que chez Ferrari, we come back to you, c'est fini, quoi. C'est maintenant, tu m'écoutes, C'est moi qui suis dans la voiture, c'est moi qui sais ce dont j'ai envie. Et voilà, et effectivement, il faut que Vasseur et Ferrari arrêtent d'être moins susceptibles. Et en fait, effectivement, si Hamilton dit ça, c'est qu'il y a eu un long échange en fait, entre Hamilton et Vasseur dans l'hospitalité hier, qui a été longuement photographié et tout ça. Et voilà, Hamilton il est allé encore après devant les médias en disant, voilà, il faut que maintenant tout le monde accepte chez Ferrari que ben, voilà, il faut qu'on se parle franchement, qu'on se dise des choses, et c'est pas des petites tapes amicales et à réfléchir 2 minutes à chaque fois qu'on va y arriver. Et d'ailleurs, il y a un plan incroyable, c'est qu'il y avait le caméraman qui était derrière le muret des stands. Donc, le muret des stands, il faut voir qu'il y a Vasseur, il y a son adjoint qui est à côté, il y a ce qui est D'Ambrosio, il y a je sais plus qui est à gauche, et les deux places extérieures, c'est les deux ingénieurs, donc Brian Bozzi, l'ingénieur de Leclerc, et de l'autre côté, Ricardo Adami, l'ingénieur de Hamilton. Et il y a eu un plan vidéo où tu vois le Vasseur de dos, il tourne vers Bozzi, t'as Bozzi qui fait la gueule dans son coin, et il tourne vers Adami, et t'as Adami qui fait encore plus la gueule dans son coin. C'était super drôle, parce que vraiment, je sentais qu'il y avait une espèce de tension, et les deux étaient dégoûtés de voir, parce qu'en fait, les deux ont accepté du coup que leur pilote, et ont dû annoncer à leur pilote qu'il fallait faire un échange de position. Et au final, ça a un peu foutu, enfin, ça a mis un peu une sale ambiance. Et en plus, malheureusement, les échanges de position ont été faits pas du tout dans le bon timing. Il y a eu du temps de perdu au moment où Hamilton était le plus rapide, et il y a eu du temps de perdu au moment où Hamilton commençait à avoir des problèmes de pneus et que Leclerc était plus rapide. Et au final, quand on voit qu'il termine à 1,5 seconde de Antonelli, on peut se dire qu'effectivement, avec un meilleur timing de l'un puis de l'autre, ils auraient pu revenir et potentiellement Oui. passer à Mercedes. Bon, après, la performance, c'est quand même le nerf de la guerre et ça reste quand même extrêmement critique là. Pour le coup, alors certes, c'était un week-end sprint. Un week-end sprint que normalement Leclerc disait que c'était une des forces de Ferrari d'arriver toujours avec de très bons réglages tout de suite parce qu'ils bossaient bien leur préparation. Là, je suis désolé, il s'est un peu loupé quand même, hein. Clairement. Clairement loupé. Donc là, ouais, là, c'est un petit peu alerte, un petit peu chez Ferrari. Vasseur, ça rigole, ça essaie de temporiser un peu sur le temps de la plaisanterie des fois. Ça va pas pouvoir tenir très longtemps non plus comme ça, je pense, parce que là, on veut des explications. Est-ce que c'est le fait que Cardillet ne soit plus là à la technique? J'ai quand même envie de mettre une grosse pièce sur cette absence-là qui commence à se faire sentir un petit peu chez Ferrari. Au bout de 6 courses, on a 152 points de retard sur McLaren. Ouais, mais c'est parce que tu oublies la disqualification pour les plans. Non, non. Ah, il va la tenter chaque fois. Hein. Sans la disqualification, il serait devant, quoi. Bon, ça passait sur 2-3 courses, ça, ouais, c'est avec moi, ça passe tu te moins. fous de la Après. disqualification qu'elle t'a foutu sur l'air. Après Suzuka, ça passait encore. Au bout d'un moment, ça passe plus. C'est comme Gasly qui plante sa voiture à vue. C'est ça. Écoute, hein, c'est les cons, ça se reconnaît, ça hausse tout. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est le problème, parce qu'effectivement, ils disent au moins, on est quasiment sûr qu'on arrivera au bon moment et tout ça. Enfin, en étant de bonne performance sur un week-end sprint et tout, ils font 6e et 7e en Mais qualif sur alors, sprint. est-ce qu'il faudrait pas abandonner cette Ferrari On et peut passer le à autre faire, à mon chose? avis. Bah, Leclerc a tenté samedi, du coup, au moment du sprint, mais ça, à part ça, il a récupéré. Non, mais enfin, alors la question qui se pose, c'est qu'ils avaient quand même une voiture qui a failli remporter le titre constructeur l'an dernier, et puis changement radical de concept cet hiver. Voilà. Et moi, On j'en se dit reviens. on aura du potentiel à débloquer au fur et à mesure de la saison, ouais, d'accord, mais au bout de 6 courses, t'as 150 points de retard. Oui, mais une disqualification, forcément. Mais non, mais moi, c'est pas gentil. C'est Loïc Serra le problème, voilà. Moi, je suis totalement. Je maintiens ce que je disais quand on a fait notre débrief des essais hivernaux, c'est que pour moi, c'est une connerie de faire un changement aussi important que celui qu'ils ont fait, c'est-à-dire de changer complètement le concept de suspension. On rappelle qu'ils sont passés une suspension avant à poussoir et une suspension à tirant. Alors certes, ça fait des bénéfices aérodynamiques et normalement, ils sont censés avoir un plafond qui est supérieur en termes de développement à ce qu'ils auraient eu s'ils étaient restés sur la même solution. Mais la voiture était bonne et ils ont totalement déséquilibré ça. Ils n'arrivent pas à faire fonctionner cette voiture. Les évolutions n'ont pas apporté ce qu'ils voulaient et ils se retrouvent à perdre beaucoup de temps là où ils auraient peut-être eu un plafond plus bas en 2020, enfin s'ils étaient restés sur la voiture 2024. Mais ils y seraient allés directement. Et au final, l'an dernier, ils étaient au niveau de McLaren, et je pense qu'ils seraient pas loin, ou en tout cas, ils seraient bien mieux s'ils étaient restés à ce concept-là. Et ça me rappelle McLaren en 2012, qui avait une voiture qui, à la fin de la saison, était la meilleure. Ils ont dit, on va tout changer, on va partir sur une feuille blanche en 2013, alors que 2014, il y avait un nouveau règlement. Et bah, conclusion, ils étaient dans le ventre mou du peloton en 2013, parce que ça ne fonctionnait pas. Au passage, on salue Ron Dennis et Jonathan Hill pour leur décision. Et je pense que là, c'est Tu les exactement. salues, je pense. Ouais, je les salue. Mais pas que pour ça, ils ont l'ensemble de leur œuvre des années 2010, c'était quelque chose. Et je pense que c'était une grosse, grosse erreur de la part de Ferrari de faire un énorme changement sur une année où, en fait, c'est bien de faire un changement comme ça, mais on sait très bien que le concept 2026 va prendre beaucoup de place, beaucoup de temps de développement, et que s'il y a une correction à apporter sur un concept qui est nouveau, il n'y aura pas le temps. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une ère de la F1 où le développement est limité, en soufflerie, à l'ordinateur et tout ça, et qu'avec tout ce qu'ils ont à faire pour 2026, ils n'ont pas le temps de corriger les défauts. Donc si le concept avait fonctionné, bah, c'est sûr qu'ils seraient sûrement arrivés très très vite à quelque chose de très performant, mais c'est pas le cas. Et on sait en plus que les voitures à tirant sont quand même assez, enfin la suspension à tirant sont assez compliquées à gérer. On sait que Red Bull a du mal à mettre sa voiture à fond, on sait que McLaren a des problèmes de stabilité de sa voiture quand ils sont vraiment à la recherche de performance, et c'est pareil pour Ferrari, c'est des voitures difficiles à exploiter, et je pense que c'était une erreur d'avoir qu'une seule saison sans beaucoup de développement pour faire progresser cette voiture, en fait, tout simplement. Moi, Vincent, c'est parfois penser un peu à Binotto dans Tout va bien, Madame la Marquise. Hein. Mais alors j'ai peine à le dire parce que je l'adore, mais il y a un peu de ça. Hein. Et j'allais dire que c'est là où c'est un peu plus problématique, notamment pour la vision qu'il y a de lui en Italie, c'est que Binotto était en mode tout va bien, et quand il était en mode tout va mal, il se flagellait, alors que Vasseur, c'est tout va bien, et quand ça va pas, il se marre un peu. Et je pense que ça va vite coincer. Encore une fois, et voilà, mais je pense que Vasseur aurait meilleur compte aujourd'hui à dire effectivement la saison, on est en train de la rater. Ça ne va pas. Un peu la communication que faisait Todd à l'époque. Todd disait bah non, là, ça va pas du tout, ça marche pas, il y a plein de problèmes à régler. Et c'est ce qu'il disait quand on lui a accordé du crédit en plus d'un Schumacher qui avait pesé dans le truc pour le garder. Mais là, c'est vrai que Vasseur, le problème, c'est qu'il est. Je sais qu'en interne, c'est pas ça, parce que Vasseur est quelqu'un de très sérieux et de très qui n'hésite pas à bouger les choses. Mais je pense que les Italiens ont beaucoup de mal avec ce côté un peu dilettante, pas dilettante, mais nonchalant, qui donne. Et puis. Le discours fonctionnait quand la FRA était à un dixième ou à deux dixièmes, quand tu t'en prends 5-6. Ouais. C'est plus la même. Et quand c'était sa première saison, tout le monde disait bah, c'est pas grave, il est en train de prendre ses marques et c'est comme c'est bien. Mais là, maintenant, il est plus en train de prendre ses marques, c'est sa troisième saison chez Ferrari. Et c'est une année où en plus, ouais, comme l'an dernier, ils avaient le moyen de gagner des courses et de finir au niveau de McLaren. Même gagner les titres. Ouais. Que le premier virage à Abu Dhabi, c'est Ferrari qui va être titré. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est un peu compliqué. Donc, je pense que il aurait tout intérêt à être beaucoup moins désinvolte parce que ça va vite coincer. Et c'est dommage parce qu'on sait que Vasseur, c'est un excellent patron d'écurie. Pour moi, il a largement les moyens, avec ce que Ferrari a à Maranello, de devenir champion, d'apporter des titres à Ferrari. Mais je pense que c'est un petit peu compliqué. Il y a quelques erreurs qui sont faites. Et effectivement, en plus de ça, je pense que le départ de Cardile joue aussi sur. Parce clairement. Que je pense que la si Cardile. Technique, ouais. Ouais. Et je pense que avoir fait ce gros changement de suspension et tout ça, de concept aéro, alors qu'il n'y a plus Cardile, je pense que c'était vraiment une erreur. Et là, à mon avis, pas d'inquiétude, il reste du cours. C'est vrai qu'une bonne Evo et ils seront de retour dans le bon groupe. Mais malheureusement, le retard accumulé va être compliqué à rattraper. Et ce on qui sera est fixé à Barcelone, de toute façon. Ouais. Si à Barcelone, ils ne sont pas retour dans le top 2 des équipes, ils seront, à mon avis, ils finiront derrière Mercedes au championnat. Parce qu'après, à partir de l'été, ça va commencer à vraiment stagner en termes de niveau pour toutes les équipes. Donc. On nous dit pas grave pour la F1, ils vont gagner le WEC. Bon, ils pourront peut-être gagner Monaco, c'est la seule course d'endurance de l'année. Donc. Oui, mais ils vont la gagner avec la 499P du coup qu'ils vont engager. Ah oui, personne ne passera du coup. Là, ça c'est sûr. C'est ça. Tu roules à 50, il n'y a personne qui passe. Ils vont mettre Niklas Nielsen dedans parce que c'est un. Non, Leclerc. Oui, aussi. Non. Nielsen, il ne se laisse pas dépasser, c'est pour ça. Mais mais c'est vrai que c'est. Ouais, c'est un peu compliqué, mais bon. Alors, Sobride Delicate dit voiture pas folle et Hamilton qui ne performe pas au mieux, c'est lourd pour Vasseur. Bah oui, la situation est compliquée, mais après, c'est des situations. Toutes ces situations-là dépendent des choix qu'il a validés en tant que team principal. C'est plus, il n'est plus arrivé avec un truc à gérer qu'il n'avait pas décidé. Aujourd'hui, le fait de recruter Hamilton, le fait d'avoir une voiture qui est nouvelle et qu'ils n'arrivent pas à faire fonctionner, tout ça, c'est un problème qui découle des décisions prises sur les deux dernières années. Donc c'est un peu tout, ça le souci. En tout cas, il y a un changement quand même dans la nature de la relation entre Hamilton et Ferrari. C'est qu'Hamilton, là, c'est. Je pense qu'il a eu un petit peu aussi un peu marre d'avoir toutes ces critiques, là, ces derniers temps, sur ses performances et tout. Et il décide, je pense aussi, un peu de prendre le leadership aussi en termes de communication, notamment. Et ça s'est vu notamment après le Grand Prix. Enfin, pendant le Grand Prix et après le Grand Prix. Et il y a peut-être une bascule là que Vasseur s'attendait pas forcément à devoir gérer. Mais voilà, je pense qu'il est aussi important pour Hamilton de faire comprendre que cette crise-là, c'est pas forcément que sa crise à lui. Ouais. C'est aussi la crise de l'équipe, parce que là, pour l'instant, tout le monde est un peu en train de lui tomber sur le dos à Hamilton. Injustement, je crois. Et injustement, c'est ça, c'est pas justifié. Ouais, parce que lui, il y va, il multiplie les journées à Maranello comme il n'avait pas prévu du tout. Il a annulé plein de choses extra, voilà, extra sportives, voilà, plein de voilà, des trucs liés à la mode, j'ai même des trucs liés à la musique, plein de choses qu'il avait prévues pour passer des 3-4 jours de suite, des fois à Maranello. Et il y retourne encore là, voilà, alors qu'il avait prévu vraiment autre chose. Il avait prévu de rester aux États-Unis. Non, non, bah là, il est de retour en Italie. Et il sait encore, il va encore se frapper 2 ou 3 jours de simulateur. Et il veut bosser vraiment à fond. Donc, voilà. Et d'ailleurs, on l'a vu beaucoup plus proche de Leclerc hein, ce week-end. Donc, donc je pense que c'est en train de payer un petit peu. Et il est en train de se dire, bon ben voilà, c'est pas question qu'il n'y a que moi qui endosse tous les mauvais coups. Et donc voilà, d'où aussi je pense un peu le changement aussi de ton de sa part. Assez notable en tout cas. Voilà, ça m'avait un peu surpris, mais je pense que là. En fait, on a l'impression que Hamilton s'est réveillé d'un coup. Il a dit bon, il y a eu 5 courses, je m'adapte. Le 6e maintenant, c'est vous avez retrouvé le Hamilton dans le cockpit comme vous l'avez connu chez Mercedes. S'il y a besoin de gueuler sur l'ingénieur de course, je gueule sur l'ingénieur de course. Et ça n'a pas loupé. Adami doit dire merde. Mais le truc, c'est qu'il a raison parce qu'en plus, s'il arrive à montrer que c'est pas sa crise et tout ça, en termes de performance, il est pas très loin. Leclerc a un podium, lui, a une victoire de sprint, donc fatalement, on n'est pas très loin. Au championnat, il y a quelques points d'écart, mais c'est pas fou. Et en fait, c'est tout bénef pour lui parce que Leclerc n'est pas forcément quelqu'un qui va s'imposer. Alors, c'est pas quelqu'un qu'on voit être très critique publiquement. Et Hamilton va peu rapidement être considéré comme celui qui en tout cas veut faire changer les choses chez Ferrari et va être un énorme moteur pour que Ferrari bouge et c'est là que il aura un rôle un peu à la Schumacher à l'époque hein, je pense et de toute façon c'est le rôle d'Hamilton aussi, il était déjà pareil chez Mercedes, c'est un vrai moteur, il est arrivé chez Mercedes, il a bougé beaucoup de choses pour que l'équipe évolue et je pense il avait fait pareil chez McLaren ses premières années, je pense que il peut faire pareil chez Ferrari, il va falloir que tout le monde lui fasse confiance au bout d'un moment, parce que c'est peut-être aussi un truc qui manque à Leclerc, qui est un peu tendre, et qui est un petit peu dans la full confiance de Vasseur. Leclerc est très très proche de Vasseur, il fait une confiance aveugle à Vasseur, et je pense que Leclerc a ce côté un peu complexe de se dire « je suis chez Ferrari, et je suis content d'être là, etc. » Alors que Hamilton, il est content, mais en même temps, si ça le fait chier, ça le fait chier, il va vite le dire. Et je pense qu'il peut rapidement prendre l'ascendant, alors pas forcément en termes sportifs, mais en termes politiques chez Ferrari. C'est mon seul point positif, j'ai envie de dire, presque de ce week-end, son sprint, évidemment, sa décision. Ouais. Voilà, et le fait de taper du poing sur la table et de se dire non, ok, ça suffit la cour de récréation, là. Parce qu'on va se bouger les fesses, parce qu'il a dit moi, j'ai toujours le feu en moi, et même si c'est juste pour gagner une place, ça, je le fais, quoi. Donc, si vous êtes endormi sur le mur des stands, c'est pas mon problème. Voilà. Et d'ailleurs, il s'est. Effectivement, Adami, ça avait déjà pris une un peu soufflante, parce que je sais plus si on l'évoquait, mais pendant le sprint, il voulait au départ lui mettre des médiums. Et c'est Hamilton qui a dit soft, et il a insisté, il a pris, et puis c'était une bonne décision. Donc. Je pense que tant qu'il va continuer à prendre des bonnes décisions comme ça et que ça va payer, clairement il va être de plus en plus écouté et de plus en plus central au projet. On attend toujours la réponse d'ailleurs de Ferrari, puisque je crois qu'on l'a toujours pas reçu, si effectivement il faut aller qu'il laisse passer Sainz aussi derrière. Ça c'était bon ça. Avec le T-break, il se croyait toujours chez Mercedes. Parce qu'en Italie, on fait moins de T-break. Ouais, il fait plus Nespresso, Nespresso break là-bas. Mais c'est vrai que oui, pour ceux qui n'ont pas suivi, il a dit, parce qu'il a eu la consigne de laisser passer Leclerc, et quand Adami lui a dit Sainz à 1:05, il lui a demandé est-ce que tu veux que je laisse passer aussi. Une minute pour répondre, une minute d'écart quasiment. Bon, ouais. Tout le monde a pris une valise hein, par rapport à McLaren. Alors, une minute. Ouais. Quasiment, 57 et 60. Voilà. Et après, les McLaren ont quand même eu l'avantage de s'arrêter pile au bon moment dans les stands. Oui, et, c'est ça. Ils ont c'est la virtual safety car pour les deux, double arrêt possible. Ouais. Ils ont gagné facilement. À un moment donné, elle tournait une seconde plus vite. Hein, ouais, après, l'air libre aussi, l'air libre, 10-15 secondes, c'est clair. Ouais. Et le refroid... tellement ralenti par Verstappen aussi. Ouais, et le refroidissement, comme le disait Stella, qui leur permet d'avoir un super pack aéro tout le temps sans sacrifier de l'aéro pour le refroidissement. Avec la très célèbre eau de pneu de... Putain, on n'en a pas parlé, c'est vrai. C'est quand même un sujet. Alors, sans parler de l'eau de pneus, effectivement, c'est quand même le fait que les caméras thermiques de Red Bull, ça a l'air quand même d'être un fait, donc je vais le dire. Après, l'eau de pneu, c'est peut-être une théorie effectivement qui a été démontée, qui prouve quand même que McLaren réussit à bien mieux refroidir ses pneus, parce qu'en fait, voilà, selon Red Bull, les caméras thermiques révèlent que voilà, tout ce qui est en circonférence autour des freins et des pneus, c'est quand même beaucoup plus frais chez McLaren que ce que réussit à faire n'importe quelle autre équipe. D'où la théorie comme quoi voilà, McLaren utiliserait peut-être de l'eau dans ses pneus, enfin voilà, ce qui est normalement absolument impossible. Mais voilà, McLaren a comme une solution technique quelque part, Certainement peut-être de sa conception de ses écopes de frein, de la conception de ses tambours, de ses jantes, on ne sait pas. Hein. Voilà, ça peut être beaucoup de choses qui fait qu'effectivement, ils arrivent à beaucoup mieux maîtriser la montée en température, surtout la stabilisation de température des pneumatiques. Donc je pense qu'il y a aussi là un gros, clairement un gros secret à trouver. C'est comment McLaren réussit à garder ses pneus dans cette fourchette-là, parce que effectivement, ça fait la différence largement sur le rythme de course derrière, quoi. Moins sur un tour, évidemment, c'est peut-être pour ça aussi que les pôles sont aussi acharnés entre les McLaren, les Red Bull, parfois les Ferrari, bon, pas sur ce coup-là, même les Mercedes qui jouent. Par contre, sur un tour, effectivement, c'est sur une course, par contre, c'est une valise, quoi, derrière. Alors, Lord Phoenix, les jantes sont les mêmes pour tous, mais le refroidissement des pneus se joue beaucoup sur la manière dont l'air va rentrer dans la roue, et ça va se jouer aux écopes de frein, notamment, et sur tous les canaux qui alimentent autour de l'écope, en fait, et qui permettent que l'air se diffuse dans la roue. Donc, oui, c'est vrai que les jantes et les flasques sont standardisées maintenant, c'est vrai. Ouais. Par rapport à avant, où effectivement, vous voyez des petites choses sur les jantes avec des petits picots multipliés pour faire plus de surface de refroidissement, ce genre de choses. Mais non, effectivement. Mais il y a voilà, c'est vraiment la forme des tambours, des écopes, aussi certainement des ailerons aussi. Il y a peut-être des ailerons qui vont aussi plus alimenter l'écope, plus alimenter le pourtour de la roue. Enfin, on ne sait pas, il y a tellement de choses. Mais pour refroidir, si ce n'est pas de l'eau, ça n'a pas être que de l'air. Donc ça veut dire que l'air arrive bien de quelque part et bien canalisé au bon endroit pour que cette température soit plus basse. Alors quand on dit plus basse, c'est pas des plus basses de 200 degrés ou 300 degrés en termes de autour du disque de roue. On parle de certainement peut-être de 20, 30 degrés. Ça peut jouer. La mise en bon fonctionnement dans la bonne fenêtre d'un pneu, c'est 10 degrés. Hein, je parle de température de pneu. Je parle juste de la température de la circonférence qui est mesurée. La température de pneu, elle est quasiment égale à tout. Pour toutes les équipes, à peu près. Effectivement, s'ils arrivent à avoir en moyenne 5 degrés de moins que les autres, c'est déjà un monde. C'est déjà un monde. Avec 5 degrés de moins, vous faites beaucoup de choses. Sobriété délicate dit que c'est un ventilateur USB-C qui est branché sur chaque roue. Moi, je pense que c'est juste qu'il roule à l'ombre, mais après, je sais pas, je suis pas spécialiste. Donc voilà, en tout cas, Ferrari, c'est un petit peu compliqué, effectivement, ce week-end, mais en tout cas, au moins, ça mérite de faire bouger les choses. En tout cas, le vrai sujet, pour moi, c'était pas le petit drama à la radio sur est-ce qu'on échange des positions ou pas, est-ce qu'on le fait un demi-tour plus tard ou pas, et d'ailleurs, Vassar l'a rappelé, c'est un petit peu lié au timing de diffusion radio par la FOM, il y a toujours un demi-tour de retard, donc ce qui me donne une grosse impression de latence sur les images du direct. Oui. Donc globalement, moi je pense que Ferrari, bon, ils auraient peut-être pu prendre la décision un peu plus rapidement, mais ils ont pris la bonne décision, c'est-à-dire refaire laisser passer Hamilton parce qu'il est un médium, il n'arrive pas assez vite, alors on fait la politique et on le relaisse passer. Hamilton, c'était quand même un peu tard pour lui parce qu'il a incité la radio en disant en Chine, moi j'ai fait ça de moi-même. Et je pense que donc, pour moi, c'était quand même pas un scandale, loin d'être un scandale absolu. Effectivement, le décalage avec les images à la fin rendait tout cela beaucoup plus ridicule que ce n'était. Le vrai problème, c'était que c'était pour dépasser pour une sixième place et pour tenir une moyenne de cette distance. C'est ça le scandale pour Ferrari ce week-end. Ouais, et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Hamilton. Il a dit le souci, c'est quand même que Charles et moi ne sommes pas là où on voudrait être. Et ça, c'est. Je pense qu'il faut aussi recentrer le problème. Et ça, Hamilton est très bon là-dessus sur la politique. On va passer à RBF1, Racing Bulls, pardon, qui a terminé 11e avec Isaac Hadjar. Et Lawson n'a pas vu l'arrivée, puisqu'il a été percuté au départ par Jack Doohan. Donc, effectivement, Racing Bulls qui manque le point de la 10e place pour 168 millièmes. Isaac Hadjar qui a été globalement quand même assez bon tout le week-end. Des performances solides. Et de nouveau, il a un peu éclipsé Liam Lawson qui était un peu plus en difficulté. Voilà, toi Franck, comment tu as vu le week-end du français et de l'équipe de Faenza globalement, qui avait d'ailleurs au passage une livrée très très rose, ouais, et très jolie. Là c'était un vrai marketing, ils ont fait ça en plus en grande pompe et tout ça, parce qu'on n'a pas parlé de la livrée de Ferrari, mais elle était catastrophique, hein. Ils ont repeint le capot en bleu et blanc, c'était pas très... et les ailerons, c'était pas très joli. Autant Racing Bulls a fait une très très belle livrée, et puis un week-end bon qui finalement se termine un peu de manière compliquée, mais qui était pas si mauvais. Ah oui, bah ça a commencé en fanfare, effectivement, avec une formidable réaction de la part des fans, et même nous-mêmes, hein, voilà, face à la livrée qui a été faite. Ça, franchement, tout le monde. Avec en plus une scénographie pour les photographies, voilà, avec le coucher de soleil et tout, qui était franchement magnifique. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir les galeries de photos, hein, sur Next Gen Auto, qui sont toujours parmi les plus riches. Je pense même de loin la plus riche. C'est vrai que je connais pas tous les sites de F1, mais voilà, des sites de F1 qui vous proposent quasiment 6000 photos sur l'ensemble du week-end, il n'y a pas des masses. Voilà, c'est recasé, c'est ici. Voilà, mais ensuite il y a 3 jours effectivement qui sont un peu en dents de scie, pour Isaac d'un côté et Liam de l'autre. Il y a quand même un top 10 le vendredi pour Isaac en sprint qualifying, je crois. Ensuite, une super bataille pour le coup du côté de Liam Lawson qui passe de la 14e à la 7e place. Mm. Donc lui prend du coup des points. Il prend un point, mais ensuite la pénalité lui en retire. Donc il ne fallait pas non plus être trop méchant pour Lawson. Et en qualification, Isaac a fait quand même fait quelque chose de très bien, parce que je crois qu'il pour 200e, il manque la Q3 quand même. Ouais. Donc voilà, donc la V-Carb était quand même plutôt performante sur les tours rapides et sur les cours relais. Et voilà, comme tu l'as dit, il manque le dernier point en course pour un poil plus qu'un dixième de seconde. Alors que ça s'est bataillé effectivement entre Tsunoda à distance, Tsunoda Adjar, parce qu'il était à 4 secondes 9, 5 secondes 2, ouais, ça n'arrêtait pas. Et Isaac s'en voulait un petit peu parce qu'il pense avoir fait une petite erreur dans le dernier tour qui lui coûte effectivement ce point. Voilà, bon, ça c'est pas un point qui va changer énormément de choses pour lui, pas énormément de choses pour Red Bull non plus. Donc c'était quand même assez sympathique de voir un peu cette bataille à distance. Et oui, par contre, effectivement, pour Lawson, course ruinée au départ par. Pour le coup, plutôt par Douane, j'ai l'impression, quand même. On en parlera au moment d'Alpine. Donc la voiture, elle était de nouveau au rendez-vous. Donc c'est quand même assez encourageant pour V-Carb. Après, ça reste un circuit urbain, ça reste un peu particulier. Maintenant, on va en rentrer vraiment dans le dur des circuits qu'on Imola, Barcelone, un peu plus traditionnel. Et voir effectivement ce que vaut cette voiture derrière. Mais c'était plutôt un week-end assez. Assez solide de la part de Racing Boost, même si effectivement les points sont pas au rendez-vous au final, ça reste quand même très solide. Et voilà, ça peut être pas mal pour eux, puisqu'ils rappellent que c'est leur fief, hein, donc ils connaissent très bien le circuit. Ah oui, c'est vraiment le circuit qui est vraiment à côté. C'est leur première course en domicile de la saison, mais c'est vraiment la course en domicile pour eux, parce que l'usine de Faenza n'est vraiment pas très loin. C'est ça. Tout à fait. Ouais, non, après c'est vrai que oui, Lawson, ça a pas non plus été un très mauvais week-end, mais c'est un peu brouillon quand même à chaque fois. Il a quand même envoyé Alonso en tête à queue. Effectivement, là, avec Douane, moi je le mettrais pas 100% responsable, mais il tourne un peu sec. Après, Douane est quand même là où il devrait pas être, je pense. Enfin, il arrive un peu vite, mais ça a été un peu compliqué. Après, moi je suis toujours aussi impressionné par Adjar. Je trouve que c'est vraiment alors. Ils ont dit du côté de Red Bull que c'était le meilleur rookie cette saison. Moi, je pense que c'est quand même Antonelli, mais Adjar, c'est quand même une belle surprise parce que je m'attendais pas à le voir aussi rapidement dans le bain. Et de nouveau, il se bat avec la deuxième Red Bull en fait, donc c'est quand même celle de son ancien équipier en plus. Donc c'est vraiment pas mal quoi. Il y a Chamon, je sais pas comment on dit là. Saint-Chamon. Saint-Chamon, pardon. Saint-Chamon Bibillé, je suppose. Peut-être un écho à Alexandre Bibillé qui parle assez peu dans le chat, mais de temps en temps, et qui fait des choses un petit peu sympathiques. Qui nous dit qu'il faisait la gueule à Adjar en interview. Oui, bah oui, mais il est extrêmement. Il y a beaucoup sur l'émotion quand même, Adjar. Ouais. Et moi, j'ai noté effectivement sa déception par rapport effectivement, à ce point manqué. Et aussi, une certaine arrogance, mais une certaine confiance en soi aussi quand il est interrogé notamment par Laurent Dubin, je crois, sur la prestation d'Antonelli à la K-Sprint. Ok, bravo pour lui, quoi. Après, ça à sa décharge. Ça peut paraître un peu arrogant. Mais à sa décharge, la question est mal posée. Qu'est-ce que vous voulez dire qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous voulez dire il dit bravo. Oui, je sais que Sacha Mans, c'est le village de naissance de Prost. Ouais, je suis vraiment un expert en Alain Prost, donc j'ai eu de ça. Donc je connais. Docteur en Prost. Docteur, ouais, c'est ça. Pour le coup, il y a des choses sur. Alain était quand même j'étais un des plus grands fans d'Alain quand j'étais gamin, quoi. Mais j'aimais tout aussi bien Ayrton, hein, voilà, comme ça je. Je froisse personne. même si ça fait 30 ans, 31 ans qu'il est mort, que dans le chat, je sais pas s'il y a beaucoup de gens de plus de 30 ans. voilà quoi, je le dis. Ah, c'est sûr. Bon, en tout cas, pour Racing Bull, c'est. Alors, presque, ça fait quand même assez peu de points marqués, puisque. putain. Très bien, d'accord. Pour celle-là. Ceux qui l'ont pas et qui écouteront, Lance Phoenix nous a dit il y a les proctologues et Franck est un prostologue. Voilà, très très bien. on la valide, évidemment. 62 ans, on dit bravo. Bah, c'est bien, on a aussi des gens plus expérimentés dans le chat. John c'est Smith cool. demande on a le droit d'être là si on a plus de 30 ans. Bah oui, parce que sinon il n'y aurait pas vraiment d'émission. Donc, c'est une émission pour les 8-15 ans. on serait pas là non plus. Donc, En tout cas, voilà pour Racing Bulls. On va passer à As avec la 12e place d'Esteban Ocon et l'abandon d'Oliver Berman sur une casse moteur, enfin, pas problème mécanique en tout cas d'un moteur Ferrari, ce qui est assez rare de nos jours. Deuxième casse de moteur Ferrari en un week-end, je crois. Il est porté de taux aussi. Oui, il est porté de taux. C'est alimentation carburant, apparemment. C'est un peu plus périphérique que le moteur lui-même. Donc effectivement, bon week-end correct pour As, il manquait un peu de performance, a dit Ocon, c'est vrai que c'est un peu le bilan, ils sont légèrement hors du top 10, mais c'est pas non plus trop mauvais, et ils ont donné l'impression en tout cas d'avoir mieux compris la voiture directement dans le week-end, plutôt que avoir des espèces de creux, soit avec une des voitures, soit en début de week-end, comme on a pu le voir en début de saison, mais voilà, c'est un petit peu en retrait par rapport au top 10, je sais pas si vous avez... Petit commentaire à faire sur Esteban Ocon ou Oliver Berman qui t'a plus l'air. Si, au point de première Q3 avec As, donc bien joué, oui. C'est une voiture qui ne voulait pas forcément la Q3, donc très belle calibre de As. Et puis après, je crois qu'il a été undercuté par Hadjar, et à partir de là, c'était train DRS, merci, au revoir. Voilà, quand même, Ocon a surclassé Berman qui a fait deux fois dernier, qualification sprint et en Q1. Donc, Berman, on peut être très demandé par les Berman, je crois, mais sinon, très en retrait sur le plan de la perf pure. Hein. Là, Ocon a éclaté Berman. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, en tout cas, c'est toujours pareil, c'est que c'est tellement serré dans le peloton qu'on a des équipes qui sont quand même qui sont très proches, et ça peut vite jouer le moindre dixième, mais peut vite jouer 5-6 places d'un week-end à l'autre. Je sais pas si Franck, tu voulais rajouter quelque chose, ou si nous passons ensuite à l'équipe suivante. Non, rien de spécial. Après, il y a encore quand même un peu d'interrogation sur la partie effectivement oscillation aérodynamique. On sortira un article dans la semaine là-dessus. Oui. Contexani nous dit Berman finito, évidemment, n'hésitez pas dans le chat à tirer vos conclusions les plus hâtives et les plus brèves et définitives possibles. On encourage vraiment ce genre de messages et d'avis très arrêtés. Tout à fait, voilà. C'est vrai que nous, on n'arrive pas à trancher, mais si vous arrivez à trancher pour voilà, nous. Si vous en avez, n'hésitez pas. Nous, ça nous fait toujours plaisir de lire. Hein. Pas de souci là-dessus. En parlant de décision et de trancher, on va passer à Alpine, puisque. celle-ci, elle n'était pas répétée non plus. Duan finito. Ah oui, là, pour le coup. Alors, Duan finito, apparemment. C'est le prono pour un avis que partagent nos amis que partagent Flavio Briatore et Oliver Hawks. Hawks, il n'a pas pris parti. Non, il a dit bon, je sais pas. Il est toujours là quand même. C'est Flavio qui y va derrière. Moi, j'aimerais dire à Oliver Hawks qu'il est team principal et que le jeu du jeu, je ne sais pas ce qui se passe, personne n'y croit, hein, parce que c'est quand même le patron de l'équipe. Il se défile du coup. Ouais, il fait plus les confs. Il y a toujours. Non, en plus, alors, c'est vrai que la news pour les gens qui n'ont pas suivi, c'est qu'a priori, on se dirige vers un remplacement immédiat de Jack Doohan par Franco Colapinto, donc d'Imola dans la deuxième Alpine. Information lancée par son sponsor quand même il y a quelques jours. Voilà. Qui a dû un petit peu rétracter un poil, mais bon, on sent quand même que c'était quand même bien, bien travaillé, plus qu'un espoir. C'était quelque chose qui était dans les. Et je pense que effectivement, l'accident du premier virage a fait que c'était l'occasion parfaite, l'alibi parfait, on va dire. Et donc, Oliver Hawks, qui est le team principal, l'an dernier, quand il y avait les rumeurs sur Ocon qui était remplacé pour Abu Dhabi, avait dit. Ce n'est pas le plan. Et là, il a dit ce n'est pas le cas. Donc, quand ce n'était pas le plan, ça avait été la vérité. Et a priori, ce n'est pas le cas, ça va quand même être le cas. Donc, voilà. Alors, effectivement, moi, en soi, Doohan aura fait une course de plus que ce que je pensais. Hein. J'avais toujours parié sur un remplacement à Miami. Mais effectivement, c'est un peu l'accomplissement. De ce qu'on attendait en tout cas de la part d'Alpine, c'est-à-dire que Doohan a été placé là sans aucune réelle chance de finir la saison et sans aucune réelle chance d'aller au bout. Alors, il a devancé Gasly en qualif et c'était bien de sa part, il a fait un bon tour. La première fois, oui. C'est vrai que c'est pas le pilote le plus sportivement enthousiasmant, hein, là-dessus on va pas se mentir, c'est pas le meilleur pilote du plateau, c'est pas un champion du monde en puissance, c'est ce qu'on disait avant l'émission quand on en parlait tous les trois. Néanmoins, c'est quand même les méthodes d'Alpine sont quand même toujours vraiment vraiment à la limite. C'est la méthode Briatore. Hein. Alors, certains diront c'est du génie et de toute façon ça lui a fait gagner des titres par le passé. Moi je dirais ça ne se fait pas et humainement c'est dégueulasse, mais après chacun son point de vue. Le fait est que ce pauvre Doohan, qui est quand même un pilote managé par Briatore, a été placé là par Briatore et a été éliminé par Briator, du coup. C'est ça qui est le plus fort, c'est qu'il dit, Briator, il dit, je suis arrivé dans cette équipe, le contrat avec Douane était fait. Oui, c'est un peu de choix qu'il y a passé, quand même. C'est ça. C'est quand même assez fort. Donc il dit, ouais, effectivement, qu'il est sous évaluation de manière, entre guillemets, continue, mais aussi bah, des points réguliers. Je pense que, bah, voilà, le point après à Miami. C'est vrai que toi aussi, je pense aussi que ça pourrait arriver à Miami, parce qu'il y a... Ben voilà, le côté américain. Un peu américain et latino, effectivement, c'est très espagnol, hein, la ville de Miami. Ça arriverait à ce moment-là. Bon, finalement, il y a eu cette course en plus, qui fait que peut-être que tout n'était pas prêt aussi, puisque le sponsor en question, argentin, YPF, qui est un pétrolier, oui, a manqué son paiement aussi. Donc il n'a pas tout réglé non plus encore. Donc c'est aussi pour ça que Douane a survécu. C'est-à-dire que la mi-avril, vers le 18 avril, il y avait des rumeurs comme quoi Alpine était satisfaite, que Douane allait finir la saison. Donc, à mon avis, c'était un coup de pression sur le sponsor. Maintenant, il faut le signer. Ouais, possible, très possible. Donc ça ressemble beaucoup à ça. Et ben sur Douane, je dirais que sportivement, c'est pas illogique, mais que humainement, c'était un peu dégueulasse. Donc, c'était un peu couru d'avance, hein, la manière avec laquelle Douane a été mis dans ce baquet, et qu'on avait l'impression, la métrage, c'était écrit d'avance. Effectivement, c'est un champion du monde en puissance. Je pense que son crash au Japon a pu poser lourd aussi, parce qu'Alpine a dû vraiment reconstruire la voiture après le Japon. Donc, ça, c'était vraiment pas correct non plus. Voilà, bon, ils ont un problème de voiture alpine, puisque le pilote, à mon avis, même si Douane, c'est pas avec Douane qui sera en champion du monde, on est tous d'accord. Maintenant, est-ce que ce sera forcément bien meilleur avec Colat Binto? Enfin, ce sera sans doute meilleur, mais c'est pas Colat Binto qui va régler tous les problèmes d'alpine, clairement. On sait que c'est pas forcément le pilote le plus propre non plus. Oui. En tout cas, ça fait beaucoup de gâchis. Douane, pilote de réserve, mais bon. Carrière en F1, on ne va pas redécoller, franchement. S'il y a un pilote qui devait prendre place à la place de Colin Mito, si jamais il devait recracher, ce serait plutôt Paul Aron. Bon, voilà. Courue d'avance, une gestion un peu erratique. Sportivement, d'être évalué en permanence, c'est pas illogique, hein, mais l'avoir fait dans de telles conditions, voilà, c'est vraiment pas soutenable. Si on veut une comparaison, on peut comparer avec la manière avec laquelle Bowles a traité Sargeant l'an dernier. C'est-à-dire brutal à la fin, mais honnête tout le long. Ouais, pour moi, c'est plutôt l'exemple de ce qu'il faut faire. Et plus de temps aussi accordé aussi à Sargeant du moment où ils avaient oublié, ça avait des évolutions, ils étaient capables de marquer des points en fin de saison dernière, là, le coup près est tombé. Là, on voit Alpine qui a clairement régressé. Ouais. Ça fait une performance pure. Gasly était un peu résigné. Au classement, ils sont 9e. Alors qu'ils avaient trouvé des super choses à Bahreïn, apparemment. Bah, finalement, ouais. C'est pas ça. Non, puis là, il marque un point. Parce que... Oui, il marque un point parce qu'il y a trois pénalités devant. Ouais. Bon, mais il termine 11e du sprint. En course, ils sont nulle part. Enfin, c'est pas bon. Et de nouveau, c'est vrai que c'est. En fait, il y a tellement. Enfin, on se rappelle qu'il y a un an, Bruno Famin nous disait on va trancher dans le vif, machin, et puis au final, trancher dans le vif, c'est quoi? C'est Briator qui tranche dans le vif. Ouais, et puis trancher dans le vif, c'est quoi? Bah, Famin a pris la porte, on a installé Douane qui a pris la porte, on a dégagé Ocon, on lui a même pas laissé faire. Il n'a pas pris la porte encore, Douane. S'il ne la prend pas le prochain week-end, on est mal quand même. Oui, bon. Qui va sûrement prendre la porte, voilà. Pardon. Mais bon, moi, je pense que c'est quand même, ça semble quand même vraiment engagé. Et a priori, il se dit en coulisses que ça serait fait et qu'il aurait été informé lui-même. Au final, les résultats ne sont pas bien meilleurs que l'an dernier. C'est un peu meilleur parce que l'an dernier, ils partaient de très loin. Ils avaient quasiment la plus mauvaise voiture en début de saison. Mais ouais, c'est assez. Enfin voilà, on a fermé Viri. Alors, Gasly nous dit que c'est Road to the World Title en 2026. Moi, je veux bien y croire, mais. Mais le travail est énorme pour faire de cette équipe quelque chose de qui peut y avoir du succès, quoi. Après, si le Mercedes tient les lignes droites et que les autres moteurs tiennent pas les lignes droites, ça peut très bien le faire. Hein. Ouais, ouais. Il restera pas beaucoup de voitures derrière. Il y aura quand même McLaren et Mercedes et Williams qui auront les mêmes moteurs quoi qu'il arrive. Ouais, ça fera un top 4 déjà pour Alpine, c'est bien. Ils font quelques points de temps en temps. Ce sera toujours mieux cette année. Mais... Non, pour donner mon avis, effectivement, je suis assez d'accord avec vous. C'est en fait que Doohan n'est pas du tout un champion du monde en puissance. Son papa l'a été, lui moins. Après, bravo à lui pour avoir su quand même maîtriser sa carrière pour en arriver jusque-là, parce qu'il quand même roule quand même plutôt bien. C'est-à-dire, on n'a plus de mauvais pilotes en F1, et Doohan n'est certainement pas un pilote payant d'il y a 10 ans, et encore moins même un Latifi d'il y a quelques années. Ça reste quand même quelque chose de très sérieux, d'un très haut niveau. Mais c'est clair que pour moi, il a aucune chance de se faire reprendre quelque part à court terme. Il y a déjà trop de pilotes qui attendent, et il a vite intérêt, à mon avis, de se trouver rapidement un très bon programme ailleurs, que ce soit en endurance, ou même en Australie peut-être, à retourner, ou aux États-Unis. Je sais pas effectivement ce qui l'attirait plus, mais là, clairement, continuer à refaire confiance à Alpine, non, clairement. Même si son rêve c'était la F1, je crois que là ça s'est vraiment écroulé rapidement, de manière certes un petit peu abrupte et injuste, mais c'est vrai qu'au pire il n'aurait pas fait plus que 6 mois, voire un an, et que voilà, peut-être que le moment pour lui est de trouver déjà pour 2026 un projet plus intéressant sur le long terme, parce que clairement là le niveau de la F1 est tel que quand vous en sortez, c'est très difficile d'y revenir. Même Mick Schumacher, qui était prometteur, qui a quand même gagné la F3, la F3 et la F2, n'arrive pas à revenir non plus. Et il a un nom en plus, comme Doohan, et c'est très très compliqué. Donc voilà, c'est dommage, malheureux pour lui. Maintenant, voilà, si Alpine juge nécessaire de rentabiliser, on va dire, son investissement sur Colapinto, parce qu'ils ont quand même payé quelque chose comme 20 millions à Williams, mais pour récupérer ces 20 millions, il faut que les sponsors derrière qui payent en aient aussi pour leur argent, donc Mercado Libre d'un côté, YPF de l'autre, et certainement une cohorte d'autres qui vont arriver sur la monoplace, à mon avis. Voilà, parce que c'est aussi une affaire financière, hein. Briatore, faut jamais oublier que quand il y a Briatore quelque part, c'est l'efficacité d'un côté et c'est les finances aussi de l'autre, donc faut que les deux soient équilibrés. Voilà, hors de question de dépenser à perte. C'est pas dans l'esprit de Briatore, ça, dans son cerveau. C'est ça. Il y a une annonce, comment dire, parce que je vois dans le chat, on nous dit c'est annoncé avec le lien vers l'équipe. C'est pas annoncé officiellement par Alpine, hein, pour l'instant. Ça reste du conditionnel que ne met pas l'équipe. Mais ce qu'on a mis nous dès ce matin, c'est qu'il a été prévenu dès la fin du Grand Prix. C'est pour ça d'ailleurs que Hawks a refusé de tenir une conférence média. D'autres médias ont pris ensuite plus tard dans la journée The Race et ensuite l'équipe. Mais c'est pas plus que ce qu'on a dit nous ce matin et ce qu'on a commencé à dire avant tous les autres médias, avant même le début du week-end à Miami, en reprenant effectivement l'histoire de ce qui s'est passé en Argentine avec Horacio Marine, le pétrolier, le sponsor pétrolier de YPF. Donc, ils n'ont rien de plus que ce que vous avez pu lire sur le site. Non. Et en tout cas, grosse motivation de Doohan, c'est fini l'année dans le simulateur. Il va tout faire pour améliorer les réglages de Colapinto. Il pourra contribuer à des bons résultats de son remplaçant. Mais c'est un peu triste. Merci à James Mims qui sait me cerner. Je sais pas comment, mais je sais pas qui c'est d'ailleurs. Merci à lui. Sacha Mont dit Ragnotti, il n'a pas un petit-fils qui peut venir chez Alpine, ça je sais pas. Mais... Si vous mettez la voiture en 360, passera les virages sur deux roues. Comme disait DRS ouvert à Suzuka, Doohan a testé, ça fait ça. Non, mais c'est vrai que c'est un peu Alpine, c'est un peu décevant, mais effectivement pour l'instant il n'y a pas de confirmation, mais voilà. Bon. A priori, ce sera. Il y a deux semaines, il y a une pause estivale quasiment, hein, comme le dit la F1. Il y a deux semaines avant une pause printanière pour annoncer ça, donc ils ont le temps. Hein. Ça va pas trop tarder, je pense quand même, parce que bon, les rumeurs montent. Je pense pas que c'est dans l'intérêt d'Alpine de trop laisser gérer. Enfin, là, en plus, pour l'instant, ils ne commentent pas. Ils ont même pas des noms vraiment officiellement. Ils ne commentent pas, donc ça pue. Demain ou mercredi, ça pourrait tomber, quoi. On va passer à Sauber. Nico Hülkenberg termine 14e. Gabriel Bortoleto a abandonné également sur un problème mécanique. Bortoleto a été très bon face à Hülkenberg globalement. Tout le week-end, ça a été très solide de la part du Brésilien qui, je pense, fait un excellent début de saison aussi, mais un peu plus forcément en retrait, puisque il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, c'est-à-dire une Sauber. Mais à part ça, moi j'ai bien aimé le week-end de Bortoleto. Après, sinon, bon, Sauber, c'était un peu compliqué. J'ai cru que Hülkenberg allait pouvoir faire une bonne chose, mais malheureusement pour lui, la stratégie n'a pas fonctionné en course, parce que sinon il aurait peut-être pu réussir à arracher une, une dixième place, mais il s'est quand même arrêté juste avant la Virtual City Car, non, juste après, pardon, ce qui était à mon avis une erreur de la part de Sauber. Voilà, après je sais pas si vous avez petit commentaire à faire sur cette équipe qui avait aussi une livrée spéciale avec encore plus de verre et de manière encore plus désordonnée que d'habitude, donc c'était pas c'était assez, ben, assez violent. Bortoleto a fait un bon week-end, je trouve. Il a battu Hülkenberg, il est passé en Q2. Donc c'était il finit juste derrière Hamilton en qualification, ouais. Hein, pour rappel. Bon, c'était très serré, mais week-end plutôt solide de Bortoleto et qui n'a pas été verni donc ensuite avec son inventeur moteur et Hülkenberg, ben voilà, hein, Sauber qui n'est pas largué, hein, qui était dans le tas avec Gasly et avec Alonso, hein, qui n'était pas la pire équipe à la régulière. Donc voilà, encore une fois, on a Sauber n'est pas décroché. Sauber est dernière, oui, mais Sauber n'est pas dernière, décroché. Ça dépend. On ne sait pas si, on sait pas quel verre est dernier. Je parlais du classement. je parlais du classement, mais ouais, Sauber. Moi, je vais aux essais gagnants. Encore une fois, moi, je l'ai pensé peut-être dixième et loin derrière tout le monde. C'est pas le cas. Ils sont dans la mêlée. C'est donc clairement en fond de peloton, mais c'est pas ridicule, hein, comme on pouvait le craindre. Non, effectivement, c'est vrai que c'est dans et Bortoleto fait quand même un très beau boulot. Ouais, moi je suis impressionné. Très bon choix de la part de. Je dis pas que c'est le meilleur rookie, mais il faut pas l'exclure du titre de meilleur rookie. Ouais, non, mais je pense qu'il est pas loin de faire le même boulot que font Hadjar ou Antonelli dans leurs équipes respectives. Et c'est vrai que c'est un très bon choix de la part d'Audi qui a misé sur lui à long terme pour son projet. Et d'ailleurs, Audi qui a annoncé aussi, on en parlera demain sur Next Gen Auto, mais une restructuration. On vous l'a fait rapide avant que vous puissiez lire demain, mais Mattia Binotto a pris du galon. Voilà, donc c'est pas étonnant, on va dire. Non, c'est ça. Et Jonathan Whitley sera concentré encore plus sur l'opérationnel que ce que ça va être prévu déjà, ce qui est une très bonne chose puisque c'est lui qui faisait l'opérationnel de Red Bull les années précédentes. On sait à quel point ça fonctionnait, donc et à quel point ça fonctionne beaucoup moins bien depuis qu'il est parti. On retient surtout le départ de Adam Baker qui était un peu le monsieur moteur entre guillemets de ce projet Audi. Donc voilà, c'est aussi un petit peu le voilà, les trois changements à retenir que vous lirez effectivement demain matin. Tout on a plus fait. Urgent à passer aujourd'hui comme information que oui. Ça. Donc, c'est ça. On fait des choix. Quoi. Parce que maintenant, on vous voit le lundi, donc il faut que le lundi soir, vous ayez le maximum de choses percutantes à lire avant qu'on se retrouve et qu'on en discute ensemble. Exactement. Et Saint-Chamond me fait une transition pour finir l'émission, puisqu'il nous dit quand est-ce qu'on parle d'Aston et de ses pilotes de taxi. Donc ça va être le moment. Alors est-ce que c'est les pilotes qui sont de taxi ou est-ce que c'est la voiture? Parce que c'est vrai que c'est quand même pas terrible. Clairement, alors ça a été. Alors oui, Doko, Audi abandonnera le verre de Steak. Hein. Ils ont vendu deux ans d'exposition à leur sponsor le temps que ça passe à Audi. Mais l'an prochain, la voiture, ce sera une Audi F1 et il y aura les couleurs d'Audi. Hein. Ce sera pas. Ce sont les mêmes que As. Problème. Non, ce sera du gris à la place du blanc. Tu es mauvaise langue. C'est pas BMW qui va se sortir de la Audi F1. BMW Sauber Ferrari. Pour ceux qui ont connu l'époque 2010. Exactement. Mais voilà, donc pour en revenir à Aston Martin, bah ouais, c'était catastrophique. Hein. Tu avais dit. Heureusement que Stroll est là pour marquer des points. Hein. C'est vrai qu'il y a Stroll est coureur. Hein. Stroll marque Stroll des points, fait un top 5. Dans le sprint, en course ça, sprint, hein, exceptionnel. Et là, Alonso, 14-0. Hein. Donc, voilà, Alonso, c'est... En même temps, le prodige canadien face au fatigué vétéran espagnol, c'était évident que ça allait finir comme ça. Qu'est-ce que j'avais fait comme pronostic, moi? Non, tu avais dit la dernière fois que tu avais écrit un article après la course de Jeddah où c'était marqué Aston Martin touche le fond et en fait ils ont fait pire ce week-end. Donc, oui, là ils l'ont raclé le fond. Ils ont trouvé du pétrole en Floride. C'est ça. Ils auraient dû faire un Jeddah plutôt, je pense qu'ils en ont peut-être trouvé un peu plus. Mais ils avaient creusé aussi, donc ils ont dû en trouver. Mais la voiture est tellement mauvaise qu'Alonso a fait une erreur, ce qui lui arrive assez rarement. Et puis, globalement, c'est. En fait, on comprend pourquoi Adrian Newey ne veut pas toucher à cette voiture. C'est juste. Comme on dit, on ne transforme pas un âne en cheval de course, hein, c'est toujours le cas, et franchement, il n'y a rien à en faire. Enfin, là, on voit qu'il n'y a rien à en tirer, et pour le coup, je pense qu'au rythme où ça va, et avec ce que Aston a l'air de vouloir faire dessus, je ne serais pas étonné que ce soit eux qui soient dans le rôle dans lequel, Alex, tu voyais Sauber, c'est-à-dire qu'ils soient complètement largués d'ici 4-5 courses, en étant vraiment la dernière force du plateau tout le temps. Parce qu'en plus, on sait qu'ils sont incapables de. Enfin, ces dernières années, en tout cas, ils étaient incapables de faire une voiture, un développement de voiture qui fonctionnait vraiment mieux. On va les juger sur Imola là-dessus, parce qu'ils annoncent un bon, ils auront un gros package. Ouais, qui sera, sûrement, qui sera sûrement le seul gros package de la saison qu'ils ont. Et. Il y a un intérêt à progresser. Après, sinon... ils sont 7e avec 14 points. Ils vont peut-être vivre sur ces 14 points en espérant que ça ne marque pas trop du côté d'Alpine et Sauber. Donc ça va être un premier gros package développé de la nouvelle soufflerie. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à surveiller de ce truc-là. Parce que si c'est vraiment catastrophique, oui. Mais si c'est catastrophique, mon pari de Verstappen chez Aston Martin va commencer à prendre l'eau. Mais je te l'ai dit depuis le début. Ça, hein. Pour l'instant, j'y crois encore. Mais, non, mais c'est vrai que c'est Aston Martin, il y a beaucoup d'enjeux parce que c'est. C'est très compliqué cette saison et effectivement, alors ils peuvent vivre sur leurs 14 points, effectivement, parce que derrière les trois autres équipes qui les suivent au classement ont 8, 7 et 6 points, donc il y a de la marge, mais il reste 18 courses et 4 sprints, ça fait énormément de points à distribuer sur des circuits difficiles, avec des conditions météo parfois difficiles. Et même si, enfin, bon, après, ils ont de la chance, parce que quand il y a des conditions difficiles, Stroll marque des points, mais ça ne sera peut-être plus le cas longtemps. Et, Stroll, le maître de la pluie. Ah bah oui, maître de la pluie, maître des pneus, enfin, maître de tout. Après, Alonso va pouvoir arrêter, il n'a jamais eu un coéquipier aussi redoutable. En tout cas, jamais coéquipier ne lui a mis une telle branlée, ça c'est sûr. Mais, mais non, mais après, je rigole un peu, mais. si tu économises 2,50€ par mois, tu pourras payer ta dette de jeu. Ouais, mais je mets déjà de côté parce que je sens que ça part mal. Même sur le petit billet de vin qui arrive du côté de Montpellier. Là. Alors évidemment, Yves qui dit qu'il faut arrêter avec Alonso Finito, il peut pas faire de miracle avec cette merguez. Et évidemment qu'il est quand même meilleur que Stroll, on en rigole parce que c'est un peu notre running gag depuis le début de saison. Que Stroll marque des points et pas lui, alors que fatalement, au mérite, l'inverse serait quand même plus logique. Mais. Voilà, c'est running gag. Pour autant, c'est de toute façon, les deux pilotes sont dans la même galère pour le coup à conduire une voiture qui ne fonctionne pas très bien. Et je pense qu'Alonso, oui, il a pas de bol. Il a fait quand même 3 11e places de suite, je crois, dans les courses d'avant. Donc, ça montre à quel point ça ne veut pas lui sourire cette année. Et puis, bon, bah après, j'ai pris le fond du verre. Voilà. Ah, bah ça veut dire que c'est la fin de l'émission. Mais... Quelle transition! Ah, c'est beau. Non, mais voilà, je pense que c'est. C'est très compliqué pour Aston, mais l'an prochain c'est quand même le titre avec Verstappen. Moi j'y crois sérieusement. Satanas Diabolo. Ah ouais, quand même. J'attendais votre réaction, vous voyez que ça ne venait pas, je sais, bon. Et pourquoi pas Stroll? J'ai pas mal de raisons à donner, mais je vais m'abstenir. Cette année, c'est vraiment. Là, c'est pas un rôle que tu gagnes, hein, c'est la fortune de Stroll. Oh putain, c'est clair. Cette année, diablement, nous dit Stroll peut-il sérieusement rester en 2026? Oui. Ah bah, clairement, il est possible qu'en 2026, le duo soit le même. Hein. Ah oui. C'est possible parce que Marco a dit aujourd'hui, d'ailleurs, si vous avez lu l'article, qu'il voit quand même de plus en plus de chances que Verstappen reste quand même. Donc, ouais. Peut-être que Verstappen laissera encore un an à Red Bull, hein, parce que. Voilà, peut-être que je dis l'année prochaine, ma petite Lee aura encore beaucoup besoin de moi. J'ai une voiture catastrophique, c'est pas bien grave, je m'occuperai un peu plus de mon enfant et je verrai en 2027 chez qui je signe pour voir qui a fait le meilleur projet pour accéder à Red. C'est pas impossible, hein. Ah ouais. C'est pas impossible. Avec son moteur Ford qui marchera à la Red Bull, c'est sûr que ça va. À mon avis, les courses, il les finira pas, donc de toute façon, il sera parti tôt le dimanche soir et puis. Ah, ne pétez pas de Red Bull dans votre réservoir d'essence, hein, ça marche pas, les gars. Non, surtout pas. Ce n'est pas ça le e-fuel dont on parle. Ça a le goût d'e-fuel, mais ça marche pas pareil. Ouais, c'est ça. Après, Stroll, effectivement, tout le monde se moque de lui, mais il fait pas une mauvaise saison avec la voiture qu'il a, parce qu'il est dans la même galère qu'à longtemps. Ouais. Donc, il est quand même assez opportuniste, et je trouve que c'est de loin sa meilleure saison sous les couleurs Aston Martin, je pense, pour l'instant. On va quand même parler de la 11e équipe Cadillac, là, parce que c'est vrai qu'on est lancé dessus. Est-ce qu'on ne veut pas le reveal des couleurs de Cadillac? Alors, on a toujours dit que cet événement-là, c'était un événement tapis rouge. C'était au mieux, peut-être une sorte de livre provisoire, au pire, la charte graphique. En fait, on a vraiment eu la charte graphique. C'est-à-dire le livre traditionnel de Cadillac. Donc voilà, de l'argent, du noir, du blanc. Voilà, c'est bon, quelque chose de très sobre. Hein, couleur d'Audi, quoi. Voilà, c'est ça. Audi aura peut-être un peu plus de rouge, je pense, quand même. Oui, mais voilà. Et bon, par contre, la grosse rumeur, quand même, c'est que c'est quand même Sergio Pérez quand même, qui se rapproche de plus en plus de ce baquet. Ça n'a pas voulu le confirmer non plus. Mais bon, voilà, aussi bien Dan Torris que Mario Andretti et Graham London ont vraiment supposé qu'effectivement Pérez était quand même bien placé, mais qu'il n'y avait aucun intérêt non plus à se précipiter à signer parce qu'ils ont toutes les cartes en main jusqu'à présent et ils n'excluent pas une surprise, hein, peut-être. Voilà, donc en gros, ça veut dire que si on peut trouver quelqu'un de meilleur que Pérez, on le fera aussi. Donc entre Perez, Bottas, Joe, j'y crois moyen quand même. Voilà, et même Mick Schumacher aussi, j'y crois moyen, même s'il est cité aussi. Colton Herta, ça pourrait attendre un peu plus aussi, parce que pour lancer l'équipe, ce serait pas forcément un cadeau à lui faire de dropper là-dedans alors que ça se lance. Et selon sa saison en IndyCar, il n'aura pas forcément la super licence. Exactement. Et vu comment ça a commencé, c'est pas convaincu, c'est pas sûr qu'il l'ait. Donc un petit duo Perez-Bottas, moi je serais prêt aussi à mettre 20 balles là-dessus presque. Donc, donc voilà. Non, Grosjean, Mazepin, c'est bon, vous n'allez pas non plus ressortir les reliques du passé. Allez, moi je parie sur Tora Takagi et Ricardo Rossette. Richardo aussi, il a dit non aussi, donc c'est clairement des expérimentés de la F1 qui ont roulé il n'y a pas très longtemps et en qui on peut faire confiance sur le plan de la technique, c'est Bottas et c'est Perez. C'est le pilote qui ont gagné des courses, ils savent comment marchent les équipes gagnantes. C'est ça. Et ça peut leur donner un peu une seconde jeunesse. Donc franchement, c'est des noms connus, c'est des sérieux. Pour moi, il n'y a pas trop à réfléchir sur le sujet. Et Colton Herta, moi, je n'ai jamais compris cette hype autour de Herta. En fait. Bah non. C'est bon les knackis pourtant. je pense qu'on nous prend pour des jambons, mais effectivement, c'est... Non, mais Herta, il est pas mauvais. Mais quand on voit le niveau global de l'IndyCar... Et quand on voit le niveau global de la Formule 1, un pilote comme c'est lui qui est Palou, pas... hein, qui met. Qui ouais, met, c'est ça. C'est quitte à ce qu'il y ait un mec qui fait sa transition, c'est Alex Palou. Parce que là, en ce moment, en plus, il est quand même sérieusement en train d'éclater toute la concurrence facilement. Et Christian Lundgaard fait une très bonne saison, ce qui montre bien qu'il avait le niveau qu'il avait quand il était en F2. Pour autant, ouais, moi, je ne crois pas du tout à Colton Herta. Je ne pense pas non plus d'Oco qui vont sortir Sargeant de sa retraite. Hein, il a arrêté la compétition. Vettel, il a dit que ses enfants lui avaient interdit. Oui. Donc c'est non. C'était la breaking news ça quand même. Voilà, Vettel interdit de revenir piloter en F1. Je sais qu'il y a plus de 70 000 personnes quand même qui ont lu cet article chez nous. Oui. C'est quand même un des plus bels articles de. Merci à vous. Merci à vous. Merci de nous avoir soutenu financièrement cette journée. Mais oui, non, Vettel non plus, hein, c'est pas possible. René Arnoux non plus, sobriété délicate a priori. Massa, je pense pas, à moins qu'il décide d'avoir enfin son titre de champion, mais je crois pas trop. En américain, il aurait peut-être sa chance d'être Jack Crawford aussi, peut-être, voilà, oui. qui est en jeune pilote qui pourrait le faire, mais c'est pas là, franchement, pour lancer Cadillac, s'ils sont pas bêtes, ils seront déjà dans une telle hype, ils ont pas besoin d'un pilote américain tout de suite, ils peuvent très bien le faire avec un duo Perez-Bottas, enfin, moi je suis dès demain, ces deux pilotes-là, quoi, je veux dire. Il n'y a pas trop de. Même si Perez, c'est pas forcément la rapidité à l'état pur. En termes de connaissances techniques de fonctionnement d'une équipe et de processus, en plus voilà, un chez Red Bull, un de chez Mercedes, autant vous dire que question process pour driver une équipe, ce serait l'idéal, et vaut mieux même le faire maintenant, puisqu'il quand même, il parle quand même de se mettre une place en piste donc en l'année pour entraîner l'équipe, voilà, pour vraiment les mettre. Donc j'espère que les pilotes seront signés à ce moment-là aussi pour qu'ils puissent rouler. Alors je sais pas ce qu'ils vont utiliser comme monoplace, racheter une vieille F1, une équipe, la mettre en blanc, en gris, je sais pas quoi. Ils pourront pas faire rouler une F1 conçue par eux, même si techniquement c'est pas interdit de concevoir une Formule 1 qui est pas aux normes, hein. Oui, c'est rien nous empêche rien n'empêche Manu de concevoir une F1 dans sa résidence là, et le talent clairement ça m'empêche, mais sinon... oui bon voilà, mais bon, si tu voulais en faire une. Ferrari l'a bien fait, hein. C'est pour ça qu'ils ont été disqualifiés. Mais bon, mais voilà, tu arrêtes de dire des bêtises. Et donc le plus gros défi de, enfin il y a deux gros défis de Cadillac, c'est voilà, que d'abord c'est les ressources humaines. Et c'est un article qu'on avait sorti, si je crois, il y a 3 jours. On a sorti plein sur Cadillac, hein, ce week-end. Vous avez été gâtés. On recrute une personne par jour, hein, disait Loudon à l'usine. Donc, c'est une personne par jour qui rejoint l'équipe, avec une réunion toutes les semaines pour accueillir un nouveau membre. Donc, ils ont déjà à peu près 300 personnes. Et c'est vraiment. C'est la frénésie à l'usine. Et il faut intégrer tous ces gens. Ça prend du temps. Ils ont recruté des gens il y a longtemps aussi. Mais ils viennent à peine d'arriver parce qu'il y a le congé de jardinage. Et puis, il y a un autre défi qui va se poser, c'est celui de la dispersion des usines. Parce que Cadillac, ça va faire partie de ces équipes à plusieurs usines. On va avoir une usine à Silverstone qui sera surtout en hub logistique. Les pièces, elles seront apparemment fabriquées dans une usine d'Indiana qui est elle aussi en construction. Donc, ils construisent non pas une, mais deux usines dans l'Indiana qui n'est même pas finie, qui ne sera pas finie à temps pour la saison 2026. Donc, on a l'usine de Silverstone, l'usine de Fishers. La soufflerie, c'est celle de Toyota. en Cologne, à Cologne, qui a été laissé libre par McLaren. Mmh. Donc la soufflerie est en Allemagne, les moteurs sont produits en Italie, puisque Ferrari sera avec Cadillac jusqu'en 2029. Donc soufflerie Allemagne, moteur Italie, base logistique, base européenne à Silverstone et base principale dans l'Indiana. Voilà, bon courage. Et tout, mais nous, un Français, non, parce qu'au moment, on a des Français toujours un peu partout. Là. Alors, je ne sais pas s'il y a des Français dans le projet Cadillac, mais bon, nos Français sont toujours distillés un peu partout. Là. Oh, bah, il y en a sûrement en tant qu'ingénieur. Voilà, mais là, pour l'instant, il n'y a pas de Français bien connu qui fait partie du projet. En tout cas, pas que je connaisse pour l'instant. Mm. Mais bon, on trouvera bien quelqu'un. Ne vous inquiétez pas. Bon, les pronos, les gars. Oui, les pronos, parce qu'effectivement... Bon, alors, retour sur les pronos. Retour sur les pronos de... attendez, je récupère les pronos. Je change les pronos. Je change les pronos, j'arrive. Il y en a qu'un qui avait le bon vainqueur, et il y en a qui avait le podium dans le mauvais ordre. Alors, oui, du coup, c'était de la part de Franck qui avait effectivement le bon vainqueur, c'était Piastri Leclerc Verstappen. Oui, bon, j'arrêtais maintenant mes pronos. J'ai dit. Donc tu as un pilote bien placé. Alex avait mis Norris, Piastri, Verstappen. Donc tu as deux pilotes mal placés. Et moi j'avais mis Norris, Piastri, Russell. Donc j'ai deux pilotes mal placés et un pilote bien placé, ce qui fait de moi le plus proche de la réalité. Tout ça parce que tu veux pas mettre Piastri devant Norris. Ouais, c'est vrai que j'aurais dû mettre. Ton ego te coûte le triplé et peut-être un bon score si t'avais misé 10 balles. C'est vrai. J'aurais dû le mettre, mais je continue ma connerie pour Imola puisque j'ai parié pour le prochain Grand Prix. Alors, attendez, parce que je me perds un peu dans la discussion, parce qu'évidemment après Franck a dit des trucs comme Piastri, Norris, Howard, je sais pas. Parce qu'on parlait d'un podium McLaren. Un triplé McLaren. Personne n'a parlé sur Duane. Moi j'ai mis Norris, Piastri, Russell. Je mets le même pour Imola, parce que Norris était très bon à Imola les années précédentes. Franck, tu as mis Piastri, Norris, Verstappen. Ouais, et Alex a dit Piastri. Verstappen, Norris, Piastri. Puisque tu as dit, il faut bien que quelqu'un se dévoue à mettre une non-McLaren. Voilà. Moi, je suis pas d'accord, hein, pour moi. Et moi, à Imola, si Verstappen refait la pole, à Imola, on dépasse moins. Et moi, je me suis dévoué à mettre un peu trop de non-McLaren avec du Ferrari, donc vous verrez mettre un peu moins de Ferrari pour le moment. Et juste là, Ferrari va faire un podium, mais bon. Ah, à domicile, ce serait beau, mais bon. Ouais. Alors, on me dit, Manu est plutôt fan de Lando, ou faut arrêter avec Norris, c'est juste que j'aimerais bien que la saison reste intéressante, et du coup j'aimerais bien que Norris se réveille, mais effectivement après je m'en fous, en soi c'est doublé McLaren, ça me va très bien quel que soit le sens de celui-ci. Tu préfères quand même Norris à Piastri quand même. Non, en fait j'aime pas le shitstorm qu'il prend, et du coup j'aime bien défendre la veuve et l'orphelin, mais c'est mon truc. Mais non, mais c'est vrai, je trouve qu'il prend des critiques injustes. Après je pense que dans ce début de saison Piastri est largement meilleur, et clairement 4 victoires à 1 ça se voit direct, enfin une ça se voit directement. Dans le contexte d'Ali, Vico Valainen de la Rosa Magnussen. Ben ça, même en 2009, ça marchait pas. Quoi qu'en 2008, non, même pas. En tout cas, voilà pour ce débrief de Miami. Et puis, c'est pronos. Ah, si, il y a un prono que tu peux tous faire, c'est Duane out. C'est vrai. Moi, j'ai dit victoire de Colapinto devant Stroll et Lawson de Didoco. Toi, tu bah, écoute, mets un euro dessus. Et, ouais. Parce que si jamais ça arrive. T'es millionnaire. Si jamais ça arrive, t'es bien. Tu te mets. Ah ouais. Sobret et délicat, il dit seul Alex ne laisse pas transparaître ses préférences. Mais c'est parce qu'Alex, il aime bien Alpine. Donc du coup, il réalise. Il peut pas trop. C'est ça. Et Wario Zero nous a pronostiqué le podium d'Imola 52. Puisqu'il a dit est-ce qu'il arrive Fangio Farina. Donc. Dernière édition, normalement Imola aussi, normalement on ne devrait pas revoir ce Grand Prix. Ouais. Qui a sauvé un peu la F1, enfin qui a aidé à sauver la F1 au moment du pendant le Covid, voilà, mais qui arrive maintenant du coup au bout de son contrat, il ne sera certainement pas renouvelé. C'est voilà. Ça. Mmh. Est-ce que c'est un drame? Alors, le circuit est très joli, moi j'aime beaucoup le qualif et tout, mais voilà, on ne dépasse pas. Et d'ailleurs la course du WEC il y a 3 semaines a été vraiment nulle. Mais après, c'est sûr c'est un beau circuit, il y a beaucoup d'histoires à F1. Mais faut espérer de la pluie là, clairement. Oui, c'est vrai. Parce que ça serait bien. Mais voilà, après, moi, je pense qu'on va le remplacer par le Madring et ce sera bien mieux. Ah, excusez-moi, j'ai reçu un chèque. Le Madring, il promet quand même pas mal. Ouais, hein, le Madring, c'est n'importe quoi. Ouais. Non, mais j'ai reçu un chèque de la FOM, c'est pour ça que je suis obligé de placer. Sinon, on met des voitures Lego, sinon, sur le Imola. Voilà. On leur fait faire 5 tours à 20 km/h en autorisant nos tracks limites. Voilà. Ah, Chum nous dit, vous avez vu la vidéo de Madrid? Oui, elle a même été publiée sur XGN Auto, donc les gens qui... Un jour avant l'annonce officielle, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont sorti sur leur YouTube avant, mais bon, on l'a vu, on l'a posté. Voilà. C'est ça, exactement. Et effectivement, le circuit est assez dingue, un peu dangereux, hein, mais c'est la norme en Formule 1 en 2025, donc on va rien dire. Il y aura sûrement une limitation à 135 km/h dans les stands, et puis comme ça, ce sera assez sympa. oui, celle avec la voiture qui foire un virage, absolument. Il touche avec la roue arrière à l'entrée du tunnel, et je pense que, à mon avis, dans la réalité, la suspension s'en serait parmi. Et le banking est incroyable, effectivement. En tout cas, merci à toutes et tous d'avoir suivi ce débrief du Grand Prix de Miami, qui était la 6e course de la saison. Nous sommes officiellement au quart de la saison, donc j'aime autant dire qu'il reste un peu de temps avant que ça se termine. on verra dans 2 semaines, puisqu'on se retrouve, on a un week-end de break, faites ce que vous voulez de vos vacances, et on se retrouve dans 2 semaines pour Imola. Il y a un pont quand même. 6 courses d'affilée après. Ouais, 3 courses d'affilée après. Profitez bien de votre week-end, du coup, parce que c'est vrai qu'après ces 3 courses d'affilée, on aura Imola, Monaco et l'Espagne à la suite. On se retrouve dans 2 semaines, sûrement le lundi de nouveau pour Grand Prix. Vous pourrez suivre évidemment toute l'actualité sur Next Gen Auto d'ici là. Et puis le Grand Prix d'Imola sera à suivre avec des horaires de retour à la normale, horaires européens, les premiers réellement horaires de début d'après-midi, voire midi même à Imola, je crois, de la saison. Et puis je remercie Hervé Rallycross et Yves Livald qui sont abonnés aussi. Vous pouvez vous abonner puisque là il va y avoir pas mal d'émissions à la suite. Ça vous permet de ne pas avoir du tout de pub. J'en ai pas mis beaucoup, mais on en met un petit peu quand même pendant l'émission. Et puis n'hésitez pas à suivre la chaîne, comme ça vous savez quand on est en live, si jamais on fait des émissions spéciales notamment. Autant vous dire que si Douane est annoncé à la place, Colabito est annoncé à la place de Douane, on fera pas une émission spéciale pour ça, puisqu'on a quand même beaucoup parlé. C'est ça. Voilà. Mais effectivement, après, ça peut arriver s'il y a des annonces un peu spectaculaires de type Verstappen chez Aston Martin ou je ne sais quoi. D'ici là. Merci Franck. Ou Ferrari fait un podium. Oui, ça en fait, on fait une émission le dimanche soir et ensuite on fait une émission sur le reste le lundi. J'étais très content de bosser avec Alex toutes ces années et je lui souhaite bon vent pour la prochaine. Non, mais l'émission spéciale sur Ferrari, c'est. Les sous-évaluations permanentes. Tu vas être remplacé par quelqu'un qui dépend d'une entreprise pétrolière. Donc, Je veux une question de Jobs Mims. Je veux financer Next Gen Auto, mais sans filer des sous à Bezos. Malheureusement, Twitch. Si, tu fais une centaine de pages vues par jour. Sur ouais, voilà. Après, consulte Next Gen Auto. Manu recharge 20 euros là. Si jamais, parce que moi j'ai un pari à la honorer, enfin un pari perdant manifestement à honorer. Mais t'as envoyé ton sans PayPal, voilà. Je prends aussi les paiements Wero et autres. Non, juste peut-être pour glisser un mot, parce que c'est vrai qu'on nous l'a suggéré, on imagine effectivement proposer une version du site sans publicité, qui serait payante, autour de peut-être 1,50€ par mois, ou 10€, ou 15€ sur l'année. Je sais pas si ça va intéresser ou pas, écoutez, ça ne nous coûtera pas grand-chose d'essayer de le lancer. Avec des solutions pour payer via Google, hein, c'est comme les spécialistes pour ça. À suivre dans les prochaines semaines ou le prochain mois si on lance bien, si ça intéresse certains ou pas. Écoutez, la solution aura le mérite d'exister. Vous pourrez aussi du coup nous soutenir de cette façon-là. Voilà. Mais sinon, si vous venez sur le site tous les jours, ça nous soutient évidemment beaucoup et on remercie d'ailleurs les. Je crois que sur l'ensemble du week-end, on fait pas loin de 500 000 personnes donc sur les 4 jours donc. Voilà. C'est pas mal. C'est beau. Merci à Vettel pour son. Qui nous a bien aidé avec sa news. Non, mais sérieusement, merci à tout le monde. Ouais, même celle sur Verstappen qui sous enquête, c'est même celle qui a le mieux marché. Comme quoi, des fois, il y a des titres qui attirent plus que d'autres. Voilà. Ouais, effectivement, après, voilà, on essaie de. Alors, les pubs, ça. Parce qu'on sait que les pubs, ça peut. Comment dire. Ça dérange certaines personnes. Malgré tout, il faut dire qu'on a quand même fait une toute nouvelle version du site cette année aussi qui est quand même beaucoup plus. User-friendly, notamment sur mobile. On sait qu'avant c'était compliqué, maintenant ça l'est beaucoup moins, mais effectivement après voilà, on réfléchit à d'autres choses pour que les gens puissent avoir d'autres alternatives. Contexte Dany dit Google sponsor de McLaren comme par hasard, nous sachons. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs tu me fais penser à un truc, c'est qu'on a rajouté le petit logo TikTok en haut du site aujourd'hui. Donc on a ouvert il y a quelques semaines déjà, un peu en sous-marin, une chaîne TikTok avec quelques TikTok effectivement, pour essayer de diversifier un petit peu nos sources, pas de revenus parce que pour l'instant TikTok c'est pas du tout monétisé, mais de communication, des choses un peu plus marrantes, voilà, qu'on peut pas forcément faire sur le site ou sur nos réseaux sociaux. Mais voilà, traiter l'actu de manière un peu différente, un peu en vidéo, un peu en décalé, parce que c'est vrai qu'on n'a pas ça non plus. On tente l'expérience, écoutez, on va voir si, voilà, si vous voulez vous abonner à la chaîne, ça s'appelle F1 underscore France underscore news, ou alors vous avez le lien du TikTok quand vous cliquez en haut du site qui est apparu. Voilà, exactement, et puis dans tous les cas, pour aider Next Gen Auto, avant tout, il faut lire Next Gen Auto, ça reste ça reste le nerf de la guerre et ça reste notre cœur d'activité, évidemment. Non, je ne me déguiserai pas en Casimir pour fêter le titre de McLaren. Arrête de donner des idées comme ça. Ah oui. Là, ben, je valide à 200% là. Sur TikTok, ça ferait des vues. Ouais, oui. J'ai une chorégraphie déguisée en Casimir. C'est sûr que ce serait. Tu feras la super danse de Oscar Piastri qui nous a fait une chorégraphie. Oui. Ouh là là. Oui, je sais pas trop. J'ai pas compris ce qu'il essayait de faire, mais. C'est un truc par rapport à un joueur de NFL, apparemment, à Paris, ou quelque chose comme ça. D'accord, ok. Mais bon, apparemment, c'était pas très réussi. Non, je crois pas. Personne n'a pas compris. Voilà. En tout cas, voilà. Merci à toutes et toutes. On se retrouve dans 2 semaines sur Twitch pour une émission de débrief du Grand Prix d'Émilie-Romagne et du Made in Italy, puisque c'est le nom du Grand Prix que nous allons suivre dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. Continuez de lire Next Gen Auto. Et puis surtout, on se retrouve à bientôt. Et bonne soirée à tout le monde. Ciao, merci à tout le monde.